Disclaimer. Awesome. Dieu geek. 18 ans plus. Farouche s'abstenait. Pourquoi Farouche s'abstenait? Farouche? T'entends dire n'importe quoi. Farouche. Mot de la journée. Farouche. Jack Frank, il dit ce podcast est un désastre. Attention, cette balado-diffusion pourrait être farouche. Je comprends quand même pas que tu voulais dire par farouche. Bonjour, Franck. T'as-tu qu'il y a quelqu'un genre. Nous, on pourrait être farouche? Pas sûr qu'on va être farouche. J'aurais pas d'être farouche. Ouais, mais c'est quoi l'inconvénient à être farouche? Je sais pas. Ils vont tous nous sauter dessus. Ben, c'est correct. Ouais. Fait que c'est correct d'être farouche. Pourquoi avertir le monde? Ouais. Pourquoi avertir le monde contre ça? Ils sont peut-être pas prêts d'être farouche. Tu veux ça? Ouais. Ta blonde va être contente. Ben, ouais. Ben, tu veux pas que tu sois farouche? Ouais. Non, une fois. Non, tu veux pas qu'elle soit farouche? Ici, d'habitude, là, quand il y a trois gars et une fille, en général, c'est un des trois gars qui rote, mais pas dans notre podcast. Notre podcast, là, c'est la fille qui rote. Bon, bref, pour venir, une farouche, c'est quelqu'un qui est comme spankiné, qui sait pas ce qu'elle veut. Quoi? C'est le contraire. C'est le contraire. Hey, fais pas ta farouche, mets-la dans ta bouche. Sujet du jour, on parle des farouches. Ça a l'air. Je vois la définition de farouche. Je dirais à ta blonde. Okay. Je check ça live. Là. Elle attendait que tu checkes ça live. Non, non, check. Faut que tu colles ta blonde et tu dises ouais, les seins à ta soeur sont pas mal mieux. Là, elle va devenir farouche en tabarnak. Sauf si elle a pas de soeur. Sauf si elle a pas de soeur. Là, elle va se poser des questions puis elle va dire quelle fille t'a collé, man. Bref, en attendant qu'il cherche la définition dans le dictionnaire. Bref, si tu veux que le podcast dérape, tu m'en as parlé. Définition de farouche, ancien français, forage. Du bas latin, forasticus, étranger du latin classique, foras d'or. Mais non, mais la définition, oui. Y'en a pas. Attends, alors, c'est littéral. C'est dit d'une région sauvage rude. Quoi? Une contrée farouche. C'est sauvage et rude. Pas quelqu'un de gêné, est-ce sale. Ben, en bref, c'est quelqu'un qui est rude, qui est genre coincé plus que d'or. Sauvage, rude. Quand t'es rude, t'es pas coincé. Sauvage, t'es pas coincé. Mais non, t'as pas quelle sorte de sauvage avec qui tu tiens, toi? Moi, j'ai juste l'addiction, fais pas ta farouche, mets-la dans ta bouche. Tu sais, dans le temps des Romains, là, t'avais des barbares, ils étaient sauvages. Ils étaient pas gênés dans leur coin. Ils étaient farouches. Ils avaient leur hache, puis ils te couraient après, puis tu tuaient toi, puis ils violaient ta femme. Parce qu'ils étaient farouches. Parce que c'était du monde qui était farouche. Ça se peut. Tu veux pas que ta blonde soit farouche, d'où? Oui. Mais avec ta femme, je suis non, mais non, les filles qui notre podcast soient farouches avec toi parce que ta blonde, elle sera pas contente. Ma blonde, elle va toutes les battre. Elle doit être fucking farouche. Là, elle va être farouche. Ça va m'exciter, je vais me crosser dans un coin. Rox, bon, c'est la patate de rêve. Sur ces belles paroles d'intelligence et de des conneries, bienvenue au Dieu Geek, on s'est de merveilleux mardi le 23 août 2016. C'est sûr que c'est merveilleux quand c'est la journée de notre podcast. Crime, ça va devenir dark rapidement, man. Mais bref, cette semaine, on est un petit peu moins que la semaine passée. Ouais, la semaine passée, on avait bien du monde. On est bien des invités. On c'était quoi, 6 gens? 5. 5? 5. Avec toi, on aurait été 6. Mais non, Missa n'était point là. Point là? Point là. Avec moi, on est 7. Excusez. Ouais. Je suis farouche. Bon, hey, salut Sylvain, ça va bien? Ben oui, ouais, cool. Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Ben des affaires, man. Ben des affaires. Ben des affaires. Calme-toi. Je continue mon marathon de Game of Thrones. Alright. Je t'aime. Je suis rendu à la fin de la saison 1. Je t'aime un petit peu moins, mais je t'aime. Ça s'en vient, j'avance. Je t'aime un peu. J'ai fini Bravely Default, qui est un jeu de 3DS d'Amal. T'aimes beaucoup? T'as-tu joué à ça? Mais non, mais je trouve ça vraiment cool. C'est comme un RPG, c'est comme ça ramène la job system un peu de Final 5. Ouais, mais. T'étais conscient qu'il y a un micro dans le milieu pis que c'est pas à toi qu'on parle. Chut, m'arrête de me fixer. Un jour, on va avoir du budget pour la muter. On parle aux dizaines de mille qui nous écoutent. Elle t'en manque de podcast, elle était pas là la dernière fois. Ouais. Fait que là, elle en veut plus. Elle veut de l'attention. Attends, Toto! Le problème avec Bravely Default, c'est que ça se recycle à moitié. Genre, on dirait qu'ils ont manqué de budget pis. Tu retournes à faire, genre dans le milieu de jeu, les mêmes affaires. Fait qu'un bout qui est vraiment pas intéressant. Mais ça jump the shark. Vers la fin, l'histoire devient comme complètement fucking mongole. Ça, c'est cool. Mais ils volent pas mon bébé Iron Man. Fait que c'est ça, le battle system est intéressant, tout ça, mais l'histoire un peu moins. Fait que là, j'ai commencé Bravely Second and Layer, qui est le sequel. Ils ont mis des Quality of Life Adjustments, comme il y a un auto-battle, tu sais, quand tu level up. tu peux juste comme setter qu'est-ce qu'ils vont faire automatiquement, comme ça tu peux facilement leveler up. Parce que c'était ce qui était gossant dans Bravely Default, c'est qu'il fallait tout que tu rentres les commandes à tous les combats, puis c'était gossant. Parce que t'avais besoin de leveler up beaucoup. Là, il a rajouté ça. Parce que sinon, tu vas être burn-out. Parce que ça se passe un peu dans le même monde, puis tout ça, mais le 2 est bien meilleur. Sinon, j'ai commencé Ace Attorney sur 3DS, une série que j'ai tout joué ça sur, 3, sur DS, sauf que j'ai juste. J'avais acheté ça fait longtemps. Mais le sequel sort en septembre. Ace Attorney 6. Fait que j'ai ça. Ça, c'est cool. Sinon, je continue à jouer à Paragon. J'ai commencé Tales of Zestiria. C'est popé Paragon? Ouais, j'en parle tout le temps. Hein. Ouais, c'est que ça. Il n'y avait pas de l'améliorer le jeu, c'est hot. Ils ont rajouté un nouveau héros, j'étais aujourd'hui, pis tout ça. J'arrête pas de voir les gameplays, pis ça a comme, j'ai comme le goût de jouer pas mal. Là. Mais joue. En c'est contexte, c'est gratuit. T'as-tu aimé moi, Phoenix sais. Pis Maya? Phoenix pis Maya. Et c'est tourné. Ben ouais. J'aime tous les personnages. Et c'est tourné, là, c'est un jeu qui est fucking solide. Là. Je peux te donner un petit synopsis? Le petit synopsis d'Ace Attorney, dans le fond, c'est que t'es un avocat, genre. Pis t'es dans des. Tu défends, dans le fond, des causes qui sont loufoques, pis c'est très animé, pis c'est très très drôle. Là. Et tous les personnages sont charmants. C'est un peu un visual novel, mais en même temps, faut que tu... Tu sais, un visual novel, tu fais juste le lire, mais là, faut que tu te rinces un peu les méninges. C'est tu fais des objections. Tu fais comme si dans un... Comme un court drama avec Tom Cruise. Ça va être du monde japonais. Un Tom Cruise japonais. Ok, nice. Ben, Tom Cruise japonais serait carré, imagine ça. C'est juste à Tales of the Story. J'ai tout fini les jeux de la série Tales. C'est juste que celui-là, j'étais en retard. Là, parce qu'on dirait que ça devrait pas jouer à l'RPG. Sur le téléphone, Tales of. Genre... Non, ça c'est un jeu gratuit. Fuck les jeux gratuits. Mais je sais que jeu tu parles, j'ai essayé. Il est vraiment cool. Il regroupe vraiment tous les characters possibles. Moi, c'est ça qu'ils font un peu avec les jeux de Sulai. Pong tous les bonhommes et font un fan service pour essayer de te faire dépenser dans leur jeu. Après ça, il y a une microtransaction pour pouvoir dépasser tout le monde. Puis après ça, quand t'es rendu à un certain niveau, faut que t'ajoutes des affaires pour pouvoir battre les autres. Genre, fait que fuck that. J'étais contente de voir Senna. Je pense qu'on a parlé de Tales of Legendia. T'as joué à Tales of Legendia? J'y ai pas joué. Mais j'ai vu tout le jouer. Non. C'est le meilleur. Pourquoi tu joues pas? Ben parce que je suis pas très bonne, mais j'ai vu. Tu easy. J'ai vu tout le Tales of Legendia au complet, joué par quelqu'un que j'ai vu dans ma vie. Puis en tout cas, j'ai trouvé le jeu vraiment le fun, puis j'ai vu toute l'histoire, puis c'était vraiment le fun. Mais je sais pas si je serais assez bonne pour y jouer. T'as eu un let's play live. Genre. Mais les systèmes sont très complexes. Je regarde le nouveau jeu, faut comme que tu fasses un case study, genre pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Fait que je joue à ça. Mais les characters puis la musique, là. J'ai genre, sur mon iPod, j'ai tout le style de soundtrack de Tales of Legendia. Je capote, c'est fucking bon. La musique est bonne, mais la fin qui est le fun des Tales series que j'aime bien. Tu sais, c'est tout le temps des histoires de sauver la planète, souvent l'RPG, tu sauves le monde, ça tu le sais. Mais c'est les personnages en tant que tel, c'est souvent genre des charming damas que j'appelle. Ils sont extrêmement stupides, mais sont charmants. C'est le fun de faire le journey avec eux autres. Souvent, le big story est pas intéressant. Mais les personnages que tu penses à ça. Il y en a une fucking chiante, par contre, dans Tales of Legendia. C'est pas. Il me semble que c'est pas Chloé, c'est l'autre là, avec un saut genre jaune-orange, là, pis elle fucking chiante, pis elle arrête pas de crier tout le temps. Fait que la fait avec un saut jaune-orange, ben c'est une crise de con. Ouais. Bon, hey! Merci. T'as-tu ça d'autres choses? Plein de choses, ça arrête plus. Ok. Mais je vais arrêter là. Parfait. Ok. Là, je vais parler genre des new releases. Attends! Qu'est-ce que c'est encore? Non! Je veux parler de mes affaires! T'attends! Non! Bonne nuit, Toto! T'es pas un Iron Man. Oh, hey. Be buried, man! Bon. Mais Marc, ça va? Pas pire, toi. Cette semaine? J'ai acheté Hyrule Legend de Zelda. Hyrule Legend. Sur 3DS. Puis j'ai commencé. Ça, à date, ça a l'air pas trop. Ça a l'air bien. Tu massacres du monde en étant des personnages. C'est un peu un Dynasty Warrior, mais avec tous les héros de Legend of Zelda. Puis, à date, j'aime bien. J'aime bien comment c'est fait. Je l'ai juste sur 3DS normal. Puis ça... Ça va super bien. Il y a aucun... Je sais pas, j'ai pas de lag à rien. OK. Est-ce qu'il y a bien du monde qui bitchait là-dessus? Ben, je sais pas, moi, j'ai aucune... Ils ont peut-être patché aussi, puis... Peut-être avoir des lancements patchés, parce qu'il y a du monde qui disait que c'était injouable sur le 3DS normal. Je sais pas, moi, ça va super bien. Cool. J'ai acheté ton Monster Warrior. Tu sais que t'as de la misère, hein? Heroes Legend, c'est Hyrule Monster Hunter. 4 Ultimate. Ouais, c'est ça. Monster Hunter 4. Mais ça me surprend que tu l'aies acheté. Ouais. Mais tu me dis que c'était fucking bon. Fait que... C'est vraiment fucking bon. Je l'ai acheté, je l'ai pas commencé, je l'ai même pas déballé encore. Fait que... Comme je t'ai dit, man, sois patient. Ben, c'est pour ça que je te dis, parce que tu m'as dit si tu commences à ça, t'as plus de vie. Là. Oui, mais je t'ai dit sois patient, genre pour apprécier le jeu, parce que ça prend des fois un peu de temps parce que c'est complexe. Sauf que en étant patient, je veux pas dire genre laisse-les emballer pendant 6 mois. Genre. Parce que regardez le art de du box, il est très très beau, il va pas t'aider à apprécier le jeu. Je peux le retourner de bord pour regarder en arrière. Après 2 mois. T'as pas ça? Witcher 3, c'est pas peu? Non, j'ai pas joué. Oh. Travaillé pas mal, fait que. C'est bon. Yep. Parce que t'es rendu. J'attends les releases qui s'en viennent dans pas long, là. Il y en a un tabarnak de ça. Ouais, il y en a un tabarnak qui s'en vient. L'apocalypse s'en vient. Portefeuille va manger une tabarnak. Mon portefeuille va manger une crise. Va manger du craft dinner pendant notre hiver. Ouais. Encore pire, ton sur peanut, man. Non, c'est meilleur des ton sur peanut. Ouais, je sais, mais ça coûte moins cher aussi, tu sais, du... Juste une cuillère, puis le pot de beurre de peanut. Tu sais, là, le 2 litres de beurre de peanut. Ben, trop cher, ça. Non. Genre, tu vas au magasin de pièces, tu prends du pain là-bas, genre, qui dure 3 jours, sinon il est moisi. Tu vas au Costco, genre. Okay. Tu congèles du pain. C'est même trop cher, le Costco. À ça. Dans le fond, on va pas venir manger des trucs quand t'es pauvre à cause de trop acheter de jeux. C'est une bonne idée, ça. How to survive a fall release. Of gaming. Ça serait fucking stupide, parce que dans le fond, tu dirais, genre, mange cette petite cave au lieu d'acheter des jeux. Les gamers, on est comme ça. Dieu. Sylvain va encourager les... Moi, ça c'est mon style d'acheter des jeux avant d'acheter de la bouche. Quand même... yep. Ouais. C'est quoi manger? Hein? Ouais, parce que t'oublies de manger quand tu as des jeux. C'est ouais. Ça. Au pire, juste que mon corps reçoive l'information comme quoi qu'il y a de la nourriture, entre guillemets, puis après ça, je peux gagner. Mais t'as réussi ça avec la méditation, je pense. Tu fais juste méditer. Puis ouais, tu fais juste méditer. Mais ça, c'est comme la fille poupée, là, qui s'est genre fait tellement de chirurgie qu'elle ressemble à Barbie. Puis elle dit qu'elle a pas besoin de nourriture, elle va juste se nourrir de l'énergie de l'univers. Pis oui, moi, mais elle, c'est une conne, écoute-la pas. Je pense que tous les gamers peuvent faire ça. Non, non. Puis genre, acheter autant de jeux qu'ils veulent, puis juste comme se nourrir l'énergie. Dans le fond, c'est ta blonde, Sylvain, qui arrive, puis qui dit mange chaud, sinon tu vas crever, puis tu te fais ok. Ouais. Ben d'après moi, je pense qu'on a. La prochaine chronique, ça va être ça, comment se nourrir de l'univers. Ouais, ouais, totally. À part dire des niaiseries, mais c'est de retour. Allô? D'une chirurgie. Ouais, j'ai encore mal. Elle est rendue avec un pénis. Ouais. Ouais. Parce que Marc, elle était pas de chialer. Deux pénis, en fait, parce que le cul à Marc, assez. Il en prend pas assez. Fait que, ben, j'en ai deux. Ok, that's fucking wrong. Go, faut que t'ailles dans ma bouche. Mais le cul large, qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais j'ai une image dégueulasse dans la tête, merci beaucoup. Même à deux, j'en ai repassé, fait qu'il va falloir que t'aies une autre chirurgie pour un troisième. Ouais, non, mais c'est pour toi. C'est correct. Bon, peut-être tu pognes la manche à l'air. Ok, non. Pour un quatrième pour Frank. Non, merci. Fait que Missa va nous baiser les trois en même temps. Ok, bref. That's fucking wrong. Attends, fait que le premier vidéo qu'on va faire, dans le fond, genre il sur YouTube, me ça va être Missa qui va nous fourrer avec ses quatre pénis en même temps. Avec une torpille dans les mains. Ah, oh, that's wrong. Ok, elle s'est faite enlever les dents de sagesse avant que tu cliques, tu vas choquer des idées dégueulasses. Extraction de dents de sagesse. Différent. Extraction. Tu fais ouvrir la gencive, tasser la gencive sur le côté, après t'as une drille qui vient te décrisser la dent, t'as coupé en deux, puis ensuite t'y retires un morceau par morceau, puis ensuite t'y coudes ça. Fait que je me suis fait coudre les gencives. C'était vraiment pas le fait fun. Que ça fait une semaine qu'elle j'ai mange même un point de suture qui a lâché, fait que j'ai un petit bout de gencive qui est poignant entre mes dents. Puis ça a l'air que selon mon médecin puis ma dentiste, ben tout est normal. Puis elle m'a donné le petit bout de peau de gencive. Va juste tomber, fait que c'est correct que je marche par-dessus puis que ça fasse mal. Fait dans le fond, t'as pogné une... c'est ma belle-mère, ma dentiste. Ah, ok. Tout va bien. La fois, t'as pogné une addiction à Agendas, probablement à cause de ça. Oui, j'adore Agendas. C'est ça qui arrive d'habitude. Juste la Agendas au café. La, le yogourt Liberté au sirop d'érable aussi. Mais je suis fucking tannée de manger d'autres. Genre, juste ça. C'est okay, à part souffrir, manger, puis pas écouter notre podcast de la semaine passée, t'as fait quoi? J'ai joué à Onipop. C'est genre un jeu style Candy Crush, mais que tu finis par fourrer des filles, puis qui t'envoie des photos cochonnes. C'est vraiment le fun. Explique-moi c'est quoi là, je comprends. C'est quoi, c'est un match trip puzzle? J'ai vu toujours que t'as le téléphone dans les mains, check c'est donc, quoi, c'est quoi? Onipop. C'est ça qui fait. H-U-N-I-E. Onipop? H-U-N-I-E. H-U-N. I-E. I-E. Espace. Pop. Ok, je vais voir. Ouais. Et pour le monde qui nous écoute, tu peux expliquer? Ouais. C'est juste du live gratuit. Comme que je vais encore me répéter. Ceux qui nous écoutent encore, by c'est the pas way. Sur cellulaire, c'est il l'a sur Steam en tout cas. Ça coûte vraiment vraiment pas cher, je pense. Ça a l'air vraiment louche. Puis c'est vraiment louche. Puis dans le fond, c'est une fée qui va te dire que t'es fucking poche à croiser des filles. Fait que tu m'as croisé des filles, puis après elle trouve que t'es vraiment bon, puis elle finit par faire partie des filles que tu croises. Puis toutes les filles que tu croises vont t'envoyer des photos tranquillement, de plus en plus cochonnes, puis accepter à un moment donné avoir une date avec toi, puis te fuck. Puis tu vas avoir des belles photos cochonnes d'elle. Mais Missa, t'es une fille, pourquoi tu joues ça? Parce qu'elle aime les tatons. Parce moi, elle m'a dit qu'elle aime pas les vagins. Moi, mais les tatons. Ouais, mais ça m'excite pas sexuellement, mais je trouve ça beau. Pourquoi à tu voir. Sens pas d'enfant qu'un transsexuel qui a un pénis ou des tatons? Parce que ça m'intéresse pas, puis je trouve ça dégueulasse, mais je trouve ça quand même cool d'avoir des photos de tatons, puis de filles en train de se wet sur des barreaux de lit. Que comme chacun ses intérêts. Moi, ça me tenterait pas de la fuck, mais je trouve ça beau à voir. C'est comme ça. Mais dans le fond, sur 10, tu donnes combien à une hip-hop? Là? Parce que t'as l'air d'avoir joué pas mal, c'est sûr que... C'est un beau passe-temps jusqu'à la première que tu fuck, et après ça, tu dis que t'as un objectif de fuck toutes les filles qu'il y a, dont la fille qui... Et après la première, tu manques d'intérêt. Un petit peu. Parce que c'est vraiment le même pattern tout le long. Fait que je mettrais, mettons, 5, 6... Tout le temps même pattern, fait que dans le fond, t'aimerais pas ça être un homme, genre. Fait que t'es en train de dire que c'est un jeu de casse-tête comme Lord Puzzle Quest pis Candy Crush pis tout ça, mais là... Mais que t'as des photos cochonnes, fait que ça monte vraiment à 6, je dirais, parce que t'as des... Un point de plus. Ouais, 6.5, mettons, gros maximum, parce que les photos sont... Les dessins sont vraiment écœurants, pis les filles sont vraiment intéressantes, pis ont toutes une personnalité chacune. Mais tu manques d'intérêt. C'est juste que fucking Candy Crush tout le long, c'est vraiment de la merde. Mais est-ce que tu vois le sexe ou c'est juste implied? T'as des fucking huge tatons, pis tu vois fucking la mouille, pis à date, la plus osée que j'ai eue, la fille est en train de s'écarter le vagin, mais à travers ses bobettes. Pis y'en a une qui est en train de se fucking doigté, puis il y a de la mouille partout, mais il y a ses bobettes par-dessus. Fait que je sais pas si je vais avoir plus loin que ça. Là, en ce moment, il y a du monde qui nous écoute, là. Et qui pourrait se dire si ça avait été toi ou moi qui avait parlé de ça. Ah, oh, ils sont bien dégueulasses! Ah, ben là, comme c'est mis ça, tout va bien. Ouais, ben, tout va bien. C'est un entre-jeu. Ouais. Ben, je suis une hétérosexuelle bien amoureuse. Fait que moi, des vagins, ça m'intéresse pas, mais c'est beau à voir. On compare la complexité de la sexualité féminine avec Missa. Ouais. On comprend que ça fait pas de sens. Mais je peux tomber amoureuse de filles, mais je peux pas comme vouloir les doigter ou whatever, parce que ça m'intéresse pas les vagins. Puis anyway, je suis en amour avec Marc, fait qu'il y a personne qui m'intéresse. Mais avoir des photos de fucking hentai, de filles qui se doigtent avec des barreaux de lit, c'est vraiment intéressant. Parfois, la personne qui se masturbe le plus tout seul chez eux, genre dans votre couple, c'est toi. Peut-être. Si je t'écoute, en tout cas, Marc pense... OK! Marc pense super! Je parle bien moins de ça, là! En tout cas! Bref! Ben oui, un gars, c'est tellement mal vu que ça se croise. T'as été... C'est mal! T'as été trop occupé cette semaine, fait que c'est ça? J'ai trop occupé à me doigter, fait que c'est ça! Un très bon jeu, un très bon divertissement. J'ai essayé Firewatch aussi, c'est vraiment le fun. Tous les jeux que j'ai achetés dans le fond au Steam Summer Sale, j'ai commencé à essayer. Il y a juste que Gods Will Be Watching que j'ai pas encore commencé parce que ça a l'air d'une histoire vraiment... Faut être vraiment dedans, puis avec mes mots de tête puis de mâchoire, j'ai un peu de misère. Mais sinon, j'ai essayé Firewatch, puis c'est vraiment sweet comme histoire, puis c'est vraiment se promener dans la map. Spoiler! Les décors sont vraiment beaux. Fait que je le conseille vraiment si jamais vous voulez du temps tranquille, puis une belle histoire tranquille. Puis avec un petit... Le minimum de suspense, je dirais 1.5% de suspense ever. C'est vraiment, vraiment tranquille, c'est sweet comme moment. On y pop, c'est vraiment juste pour avoir du fun ou se crosser. Parle plus d'un hip hop, s'il te plaît. Je sais peut-être trop c'est quoi maintenant, ça le problème. C'est pas mal ça. J'ai pas encore essayé mon Age of Mythology HD Edition. Que on verra ça bientôt. C'est pas mal ça, là. Si veux-tu que je parle de la BD du Bad Girl? Pas de suite, ça! Fais un tour de table! Colique, c'est juste que vos tours de table durent une demi-heure chaque! À bord, Marc, lui, il a compris c'est quoi le principe. On parle de totem, c'est correct, continue. Non, mais okay. Frank, lui, on oublie tout le temps son tour de table. Toi, qu'est-ce que tu veux, man? Mais moi, j'ai pas fait grand-chose à part de ça. Mais non, j'ai fait quoi? Hey, calme-toi, l'intense! C'est pas Voilà, mais par contre, je suis allé à Quatico en 20 semaines, je suis allé à Foresta Limina. C'est quoi ça? C'est fucking cool! T'as cédé? Non, mais j'ai vu c'était quoi. Okay. C'est quoi ça? Bref, j'étais allé à Quatico. Il fait 3 heures de route pour aller là-bas. Pour arriver là-bas, on s'est pris un petit motel un peu, faisait passer au motel miteux de tout ça, mais c'était cute. T'sais. Tu sais, coquerelles? Non, il était propre, il avait pas beaucoup de pression d'eux le lendemain matin, mais en tout cas, il était propre. C'était des coquerelles propres. Mais bref, t'allais faire là, on a profité pour aller voir un peu de Quatico, comme un beau petit village. T'as acheté la crème glacée? Oui. Ok, merci. T'allais chercher la crème glacée à Quatico, le lendemain, pour rester au Tu t'allais faire du geocaching un peu. J'avais déjà expliqué, c'était quoi le géocaché? J'ai expliqué, je comprends pas plus, mais c'est pas grave. C'est du monde qui cache des trucs. Mais là, je sais, je te niaise, c'est juste pour. Avec un GPS, t'es trop. Qui cache ça? C'est fucking weird. Moi, je peux en cacher, toi, tu peux en cacher, c'est tous des géocacheurs qui font ça. J'ai déjà attrapé des petits filles dans le bois. Elle avait pas une idée d'un drop dans le bois. En tout cas, bref. Mais ça, file pas bien aujourd'hui, ces médicaments, c'est ça. Mais c'est pas du V que cette fois-là, c'est quelque chose de pas mal plus fort. Non, y'a pas de géocacher ou c'est que tu pognes des petites filles. Sûrement, mais c'est un culte très, très, très, très, très sombre. Mais bref. Le culte de Missa. Please, don't. OK. On va être obligé de couper une autre demi-heure. C'est dans le parc de Quaticook, qui, quand tu y vas le jour, c'est un parc bien simple avec de la forêt, tout ça. Tu peux te promener, tu fais de la randonnée, tout ça. Puis c'est dans une... tu sais, un creek, mais en français, c'est un... Un creek! T'appelles ça un creek? Non, un ruisseau! C'est un ruisseau! Non, il y a un ruisseau, mais il y a des genres de falaises avec ça, là. C'est une mini-chute! Non, bref, on va le trouver, puis moi, on va revenir là-dessus, puis je l'ai sur le bout de la langue! Hein? Non. Une crypte? Non, arrêtez! Un creek, c'est. C'est une gourde! Ah non! Une gourde! Non! Une gourde? Ah, c'est... Tu viens d'en faire une gourde? C'est. Une gorge! Une gorge! Une gorge! Hein? Un ça, j'ai dit un ruisseau. Ouais, mais un creek, mais dans le fond, c'est une gorge avec. Parce que dans non, le. Non, je vois la scène que tu veux dire par creek, mais Google est fucking cave pis dit ruisseau. Ben, moi, j'ai dit ruisseau, tu dis, je suis plus cave que c'est un ruisseau aussi, ouais. Effectivement, mais c'est une gorge. Mais la gorge de Quaticook. Des... Ouais. Est-ce qu'on apprend des affaires, c'est chaud pareil. Hein? Et dans le fond, à la gorge de Quaticook, il y a le plus grand pont suspendu du Québec. That's Misa. Est-ce qu'elle est. Quand il faut que ça sorte, faut que ça sorte. Ah ouais, mais... Trop de McDo! Mais bref, il y a le plus grand pont suspendu du Québec. Puis là, en ce moment, le monde va même plus nous écouter. Ils vont... Ah, oh, tabarnak, voyons donc, est-ce que... En tout cas... Bref, quand tu vas un jour, c'est bien simple. C'est comme... C'est comme un petit parc de tous les jours. Mais la nuit, ça se transforme. Ça devient un petit paysage vraiment... féerique, on pourrait dire. Il y a des double rainbows. Non, pas vraiment, parce que c'est de la nuit, là, en fait, tu peux pas voir les dons. Hey, je vais l'envoyer dans le coin, en pintant, ceci. Mais bref. Il est mort, le chanteur, apprécie-le. Excusez, continue. Oh my god. Je vais demander que le chanteur, mais je vais laisser faire. Continue! Bref, quand t'arrives là, la nuit, tout ça, t'as une ambiance vraiment féerique, tu rentres là, j'ai comme fait « Ah, c'est cool, je vais montrer des photos tantôt à vous autres. » Puis là, t'attends en fil, tout ça, puis ça coûte à peu près 25$ aller là. Puis tu rentres, puis t'as ta petite musique qui te fait qui te met en ambiance et tout ça, puis là, tu commences ton parcours. Ton parcours, il y a des... Ça va? Elle trouve ça vraiment drôle, ton parcours, man. Aïe aïe! C'est de la codéine. Ouais, je vois ça, hein, les médicaments, là, et c'est bon, la prochaine fois, prends 2 semaines de break, la prochaine fois, tu prends ça. Puis là, genre, tu rentres, t'as des affiches qui t'expliquent un peu c'est quoi l'ambiance, puis la genre de légende qui tourne alentour de ça. Bref, tu sais que c'est une petite fille qui a trouvé une fée, puis la fée protège la forêt. Et d'un esprit bizarre qui incante des démons. Bref, j'ai pas vraiment pris le temps de lire tout au complet. Parce qu'il fallait qu'on suive un groupe, puis c'est ça. C'est quelque chose que tu lis. Ouais, non, c'est des panneaux, ok? Dans une ambiance, je vais te montrer la photo, genre tu vas catcher. Mais une ambiance, tu lis des panneaux, il y a de la musique qui joue. Ben, il y a une musique d'ambiance, mais ce que je vais te montrer, la photo des panneaux, tu vas comprendre. C'est comme l'introduction à ça, après ça, tu fais que marcher, puis tu es censé comprendre ce qui s'est passé. Censé? Ouais, censé. Ça, c'est les panneaux que je te parlais. Fait que tu vas pouvoir comprendre. Fait que tu rentres dans cette ambiance-là. C'est vraiment comme des panneaux lumineux avec un éclairage vraiment d'ambiance. Et là, il t'explique que tu peux donner des vœux aux filles. Les filles vont te l'expliquer. Au début de la fameuse aventure, tu t'en vas parler dans un genre de tu sais, un gramophone, là. Le genre de corne là, du gramophone qui est le son sort. Mais là-dedans, il prend tes mots. Fait que tu dois aller parler là-dedans en sonnant une petite cloche. Tu dis un vœu. Tu prends une petite roche, puis là, tu commences ton parcours. Là, ton parcours, c'est tous des effets de lumière. Dans le bois, il y a plein de lumière dans les arbres et tout ça, qui sont coordonnés avec une musique. Fait que c'est... Dans le fond, tu fais comme genre une petite randonnée. C'est une randonnée, c'est sûr. C'est comme une expérience, genre. Exactement, c'est une expérience visuelle et sonore. Tu regardes les panneaux, ça me fait penser comme un peu comme dans un musée, genre. Comme exactement. Une description, là. Exactement. Là, tu rentres là-dedans, puis là, à un moment donné, t'as comme toute ambiance, mais ce que j'ai adoré, c'est qu'à un moment donné, tu montes dans le fond la falaise de la gorge. Et là, t'arrives au pont suspendu. Là, le pont suspendu, pour ceux qui ont peur des hauteurs, vous n'allez pas là. Puis ceux qui n'aiment pas l'instabilité, vous n'allez pas là non plus. Tu sais, moi, j'ai une petite phobie, c'est peur des échelles, puis de l'instabilité. Mais t'avoues que j'étais en sécurité, mais je me suis dit, hey, Chris, si ça lâche. Ouais, mais sans la pensée, mais en général, ça serait c'est pas ça. Safe. Et c'est ça, pas c'est, public, c'est ça, exactement. Mais, tu sais, t'as le feeling, là, t'as le monde qui saute, qui ont hâte, t'as les enfants qui... Là, ça shake, là, t'es comme, hey, j'étais à comme, genre, fucking 500 pieds dans les airs, là. C'est fucking intense, là. Fait que là, arrive là, mais qu'est-ce qui est fun? Parce que moi, tu sais, j'ai pas peur des hauteurs, j'ai peur de l'instabilité, fait que je regarde en bas. Et c'est genre tout est illuminé, toute la gorge est illuminée de petites lumières, tout bleu. Fait que t'as l'impression qu'il y a plein de petites filles partout, genre. Ça, c'est cool. Puis là, genre, rendu au bout, t'as le skipper, là, t'as comme l'arche de Noé. Non, l'arche de du pont est tout illuminé comme si tu rentrais dans un autre monde. Comme si tu rentrais dans. Avec la boucane, pis tout. Ouais. Avant la photo cute de toi, pis ta blonde. Ouais, effectivement, tu sais, t'étais pas obligé d'aller super loin comme ça. C'est genre, c'était photo-là. Je sais pas à quel point ça allait être vraiment... dans tes feelings. Hein? Hé, hey, t'es bien fatigante aujourd'hui, toi! La fois que Stéphane nous a montré, c'est une photo qui ressemble vraiment à un portal, dans le fond. Hé, c'est ça, c'est un portal. Ouais, c'est comme une lumière à faire allumer en arrière d'un smoke machine. Exactement. Puis là, tu rentres, et là, il y a un effet holographique qui se passe dans la forêt. Parce que, rendu en bas, t'as comme t'as la forêt qui est place. Il y a un genre de petit écran transparent qui est en fond une projection de lumière. Qui envoie, puis là tu vois un genre de film continu fait avec des effets visuels. Là j'ai fait comme, ok, c'est vraiment cool tout ça. Et là, t'as comme l'histoire qui se montre, comme la fille qui trouve les filles, puis là, les filles qui se sentent menacées, puis après ça, il y a un genre de monstre qui arrive. En tout cas, bref, j'ai pas grand compris grand chose de l'histoire, mais il y a de quoi qui se passait en avant de moi, puis je trouvais ça cool. Après ça, tu continues ton chemin, et là tu vois une autre projection sur un arbre. Et l'arbre se fait comme pogné par un diable en dessous de lui, puis se fait brûler. Mais c'est vraiment tout visuellement, mais ça a l'air de vraiment... C'est vraiment bien fait au niveau visuel, c'est vraiment cool. Là, on continue là-dessus, puis à un moment donné, ça, c'est la shot que j'ai trouvé le plus cool, que malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas eu assez. Il y a un monsieur qui arrive avec le petit gars qui est avec nous autres, et il dit « Hey, ta pierre, qu'est-ce qu'elle a l'air? » Il monte, il fait « Oh! » Puis là, il fait apparaître une flamme dans ses doigts, puis il met ça dans son petit sac. Ils avaient pas mal d'énergie, la tienne, ton vœu va marcher, puis là, la fin capotait. Mais tu sais, avoir genre plein de petits personnages eux-mêmes dans la marche, ça a été écœurant. Genre, moi, lui, il m'a fait flasher, je vais dire, ok, lui, c'est cool, il y a eu de l'interaction, c'est le fun. Un peu comme les maisons hantées, qu'il y a du monde dedans. Exactement. Puis là, t'arrives genre en beau, que la rivière, puis là, la rivière, c'est plein d'éclairages, un peu au néon, t'as l'impression d'être dans un rave, mais il y a la musique un petit peu plus genre. Ethereal. Exactement. Genre, c'est. Puis là, tu mets ta petite pierre sur des genres de petits totems. Puis là, ton vœu est censé se réaliser, puis ça finit le parcours. Ça coûte combien, ce toit-là? Ça coûte à peu près dans les 25$, me semble, de mémoire. J'ai acheté ça au mois de mai, ça fait un bout, là. Ça comprend quoi? Juste le parcours? Juste le parcours. OK. Juste le parcours, mais tu sais, tu payes pour... combien de temps, genre, ton parcours, il durait combien de temps? Durer une demi-heure à marcher, genre, puis c'est toi qui... Dans l'idée, c'est toi qui prends le temps que tu veux. Mais à peu près, genre... Mais c'est ça. Mais tu sais, avec plus d'interactions... Ça aurait valu, mais tu sais, faut que tu calcules que moi, tu fais 3 heures de route. Tu t'en vas pas à Aquatica que juste faire ça. T'sais, moi, c'est la seule chose à dire. Tu vas voir la crèmerie. Ouais. C'est ça, c'est 3 heures de route de Laval. La crèmerie est réputée ou quelque chose? La crèmerie de Aquatica? T'es un malade, toi? Mais moi, je parle de quelqu'un que je connais pas. La crèmerie Quatico, c'est la crèmerie, c'est excellent. Okay. Tu peux acheter ça à l'épicerie, la crèmerie. Ah ouais? Là. Okay. Ouais, c'est juste comme si elle n'était que de bonne crème glacée. Quatico, c'est la moins chère qui est possible parce qu'elle est produite ici. Elle est produite ici, ah. Puis elle goûte bonne. C'est genre 2 litres pour comme le prix de comme. Mettons, la quantité que tu peux avoir de Quatico, c'est genre. Tu pourras avoir. Un seul pot de Haagen-Dazs, ouais, tu vas avoir fond. Comme 4 pots de fucking Quatico. Puis j'ai acheté dans la boîte, ça coûte encore litres, moins cher. Nice. Mais bref, c'est ça que j'ai fait en 20 semaines, puis après ça, j'ai lu des BD. Ah. Puis j'ai joué à Neverwinter. Ouais. Pense pas à vraiment jouer longtemps. Là. Non, hein. C'est que ça, tout, comme encore là, on a déjà parlé free-to-play la semaine passée, mais ça donne une très bonne impression, t'es comme, je crois que tu joues à ça, mais à un moment donné, tu frappes un mur, là. Ben en réalité, j'ai déjà frappé, moi, parce que moi, ça me gosse en esti d'en recevoir un petit « Oh, t'as trouvé ça, mais faut peut-être payer une clé pour pouvoir l'ouvrir. Mais si t'étais membre VIP, t'aurais une clé par jour. Fuck you, man. Oui, j'ai genre 17 crises de petites boîtes que je peux ouvrir avec des petites clés qui prennent de la place dans mon stack d'inventory, pis y'a pas d'inventory dans cette place-là. Faut t'en ajouter, là. T'as pas le choix. C'est gossant. Mais tu sais aussi, genre, ça lag, je pense, dans le town. Là. Ça lag-tu encore? Non, ça va bien. Parce qu'avant, dans le town, c'est... Ouais, ça avait de la misère. Mais bref, ça fait notre tour de table, hein? Ben Chris! Il l'a dit. Je sais. Il l'a dit, calme-toi. Une demi-heure de tour de table, habituellement, ça prend 10 minutes. Merci, Missa. Merci, Frank. Missa a mis une ambiance de... Frank qui... Non, c'est pas vrai. Missa a donné une ambiance de raw et de... Ouais. De plaisir. Désagréable. Pourquoi désagréable? Non, faut Frank qui le dit pas, il a juste pas ça fait désagréable. Et Chris, c'est déjà assez un désastre podcast-là aujourd'hui. It's a pleasure. Mais Frank, il l'a pas dit, il est passé toute la fin de semaine dans le motel, c'est ça l'affaire, là. Non. Non. Bref. Bon, fait que commençons avec nos chroniques. Non, c'est pas du suite. Vas-y, moi, Sylvain. On a la chronique ici des jeux vidéo. Dans le fond, c'est quoi qui est sorti qui est bon, là? Tu sais, quand tu te demandes, la source numéro 1, là. Il n'y a aucune autre manière de savoir qu'est-ce qui sort. À part avec les dieux geeks. À part avec les dieux geeks. On va te faire ça direct là. Il y a deux sexes. Ouais, deux Mankind sexes. Mankind Divided. Pareil que c'est pas spé. Pareil qu'il y a des bonnes notes. Il y a des très bonnes notes. Yeah. Sauf que moi, j'ai joué à deux sexes Human Revolution dans le temps. Je trouvais que c'était très... Tu sais, l'ambiance est bonne, la musique est bonne. Il y a comme un bon sense of place. Ça, j'ai toujours trouvé ça. Puis je trouve qu'ils n'ont pas réglé ça d'après les vidéos que j'ai vues. Je peux encore jouer. Je vais jouer à un moment donné. J'attends que ça baisse de prix. Ça a l'air très stiff, genre. Tu sais comment les personnages sont, le voice acting comme acquis sont très robotiques, genre. Le shooting comment c'est, comment il est en cover, toutes les animations feel genre, c'est très stiff. On dirait qu'ils ont pas vraiment évolué, on dirait que c'est comme on dirait, là, c'est peut-être pas vrai, mais l'impression que ça donne c'est comme la même engine que Human Revolution, puis ça allait garder un peu le même stiffness. Moi je m'attendais à ce que le shooting soit plus fun puis tout, mais on dirait que c'est un peu more of the same, avec des plus beaux graphiques. Je vois pas vraiment l'innovation qu'ils ont faite, ils ont juste fait comme... Comme si elle continuait juste le jeu qu'ils ont fait avant, là, une couple d'années. Il paraît que c'est vraiment bon. Il paraît, genre, la grosse critique, c'est qu'il paraît que ça finit d'une manière abrupte. Mm-hmm. Puis que ben, en fond, que l'histoire est très. Elle se prend trop au sérieux, genre. Ouais, ben, c'est souvent ça. C'est comme je te dis, c'est très stiff, c'est très sérieux, très morose. Mm. Ça a un sense of place, c'est le fun. J'aimais bien ça dans l'autre. Mais j'aurais aimé ça vraiment qu'il règle mon problème numéro 1 avec l'autre, justement, c'est que c'est très, très robotique, ironiquement. Parce que quand il est en cover, quand il sort de cover, quand il fait les animations pour le takedown, on dirait que c'est comme genre ça l'arrête, puis comme un FMV qui part. C'est bizarre, man. Mais il paraît que c'est un bon jeu. La seule façon de le savoir, c'est de jouer. De jouer. Moi j'attendais un sell, personnellement, c'est mon opinion. Mais c'est un jeu à jouer. Il y a pas mal de jeux, j'aimerais ça qu'on joue comme toute la gang. En groupe. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais, mais là, tu scrapes toute ma calisse de chronique. Shut the fuck up, continue. Je sais pas, shut the fuck up, c'est ma chronique. Mais c'est ça, continue. Il y a Inside. Inside que j'ai parlé sur Xbox, j'ai donné 10 sur 10. Mm-hmm. Il sort physiquement, genre, ça dit. Non, il sort sur PlayStation. Il était juste sur Xbox puis PC avant. D'habitude, il était en. L'exclusivité dure plus longtemps, mais l'exclusivité était vraiment courte sur celui-là. Je suggère à tout le monde d'aller acheter Inside. C'est ce que je m'en vais faire de rentrer chez c'est des shit. 20 pièces. Ouais, mais ça, c'est des prix des United States. Ah. Maintenant, ils ont tous rajusté les prix. Tu sais, au Canada, genre PlayStation Plus, justement, on en parlait, ils ont augmenté leur prix. Pense-en tantôt, quand ça a été sorti. Non, mais ça fait partie de la même game. On parle de PlayStation, mais juste, c'est une petite parenthèse, anyways. Ok. Ça augmente de 10 pièces, mais au Québec, ça va te coûter 80. Puis maintenant, ils ont tous rajusté les jeux avant. 70, by the way. Non, c'est 80 au Québec. J'ai reçu l'email. Ça va être 80 au Québec. 80$ au Canada. Vive le Canada. Puis aussi, j'ai remarqué sur le PlayStation Store. Tu sais, avant, tu sais, t'as les jeux qui sont rendus à 80$, ça c'est correct. Mm-hmm. Mais les jeux de 10$ en général, ils étaient le même prix qu'aux États-Unis. 10-20$, ils restaient 10-20$. Mais là, ils ont ajusté les prix. Les tunes de Rock Band, genre, coûtaient 2$, mais ils coûtent 3$ chaque. Des jeux de 10$, mais ils coûtent 13$. Fait qu'on commence vraiment. Fait qu'on va commencer à coûter cher en esti au Canada si notre économie s'améliore pas. Là. T'as Madden NFL 2017. Pareil que le franchise mode, c'est de shit. Ouais, ben tu sais, c'est comme. T'sais, hey, G! Ouais, mais ça, c'est pas des douchebags qui jouent à ça, c'est des rednecks. C'est différent. Mais Madden! Il change de préjugé. C'est ça, y'a pas. Yo, y'a pas de. Yo, t'as toujours football parce que les autres, justement, ils sont juste insultés du fait que ça s'appelle du football. Ouais. C'est pas le vrai football. À la place, c'est comme genre des rednecks, là. Hey, don, man! Did you play the football? Je pense pas qu'il parle de même espagnol. Non, je pense que c'est les Australiens qui parlent de même. Ouais, je pense que t'es comme un Australien, genre des bas-fonds ou quelque chose. Mais Madden, le monde qui aime ça, il continue à l'acheter. C'est pour ça que c'est difficile de parler des sports games parce que dans le fond, genre. C'est la même clientèle. La même clientèle tout le temps, ils sont au courant. Là. De quoi FIFA, yo? T'as Prominence Poker qui est un jeu gratuit. Ça a l'air. J'ai pas joué, je l'ai downloadé, ça a l'air cool. Ça a l'air d'un jeu de poker, mais dans le fond, t'as comme des gangs parce que tu fais comme genre du poker dans des bars underground, whatever. Ça a l'air comme une gimmick, je sais pas trop c'est quoi. C'est gratuit, ça a l'air cool. Il y a le King of Fighters 14, c'est un très bon fighting game. Pareil que c'est bon. Je sais pas encore si le netcode il est bon, comme je dis, ça qui est important. Je vais sûrement l'acheter, je sais pas, je vais attendre pour une vente, je sais pas, je vais résister parce que moi j'aime bien les fighting games. Mais à date, le monde dit que c'est un très bon King of Fighters. Ça fait des années que SNK Playmore n'était pas supposé refaire des jeux. Ils ont décidé de se repitcher dedans puis ils ont fait un bon King of Fighters. Est-ce qu'ils ont fait encore le mode Adventure que c'est un Kingdom, Beat Them All? Non, ça c'est dans Tekken, ça. C'était dans Tekken? C'était pas dans King of Fighters? Non, j'ai jamais eu ça dans King of Fighters. T'es sûr? 100%. En tout cas. Mais Tekken, ça, j'ai hâte en Christ. Parlons pas de ça, ça me fait chier. Tekken. Arrête, je vais te frapper. J'ai hâte à Tekken, ça se peut pas. Tekken, c'est hot. Sinon, il y a fucking rien. Genre, tu sais, si tu regardes les sales, en plus, maintenant, c'est rendu des thèmes pis des avatars, fait qu'ils font du en esti. Sur Xbox, pas mal la même chose. Pas mal ça! Alright! Quand même pas mal, tu sais, Madden, c'est un gros release, Mankind Divided, King of Fighters. C'est comme un préambule pour qu'est-ce qui s'en vient. Oui. C'est une introduction à cette belle automne qui s'en vient. Cet automne dévastatrice. Mm-hmm. On va y aller avec Missa tout de suite. Ça fait trop longtemps qu'elle n'a pas parlé. Oh non, bah c'est pour ça qu'on s'en débarrasse. C'est ça. Mais donc, ta chronique cette semaine? Je sais que tu m'aimes. Ok. Sorry. Ok, je vais parler de... Je vais faire un petit top. C'est un top 10, mais je vais en rajouter un à la fin. Ok. Okay. Donc, un top 11. Dans le fond, c'est un top 11 de jeux coop sur la PS4. On a Dead Nation Apocalypse Edition qui va être joué par, je pense, c'est deux personnes qui étaient d'abord sorties sur la PlayStation 3. Là, tu parles de couch coop, là. Ouais, tu vraiment. Ok, avant qu'on commence à. Ok, j'aurais dû préciser, pardon, c'est du gros couch coop, ok? Tu veux jouer avec un ami, tranquille, sur ton sofa, puis passer un moment vraiment relax avec, ou juste l'envoyer chier puis tirer dans la tête, ben fais ça. Tirer dans la tête. Elle-même, elle est violente. Dans la vraie vie, tu parles? Elle avait plein d'amis avant. Yeah, right. Ils sont tous quelque part dans le couch coop, c'est discriminatoire, c'est juste deux chaises. Justement, fait du geocaching avec ses amis. Ou deux chaises coop. Je fais du jeu au catch mais avec des amis. Ouais, j'essaie c'est d'en trouver. Elle cache tes amis, puis il faut que tu les retrouves. Il y en a un dans la rivière des Vélines. Il est quelque part entre le pont de la 25. Puis... Just remember, I know how to hide a body. Alright. Okay. Fait que, ben, je trouve que ça a vraiment dans le fun. Ça se trouve dans un monde post-apocalyptique, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ouais, ça arrive pas mal souvent dernièrement. Fait que je trouve que ça a vraiment le fun. Non, t'as des choses vraiment bon. Numéro 9, on avait Surgeon Simulator. Que j'ai toujours eu une passion pour Surgeon Simulator parce que je trouve ça vraiment cool. Sur quelle console? Ben c'est tout sur PS4 que je suis en train de dire. Surgeon Simulator, c'est oui, Surgeon Simulator sur PS4. Okay. C'est quoi le jeu de société qui est comme dans le même? C'est un peu c'est la même chose sur Virtua. C'est genre le petit clown qui est quand t'accroches. Operation! Operation! C'est comme ça, mais virtuel. Ok. Puis tu peux opérer sur Donald Trump, supposément. Ça a l'air que pour cela. Il n'y aura pas de cerveau. Ça a l'air que cela, il est vraiment, vraiment drôle. Que c'est assez spécial parce que d'habitude, c'est assez. Normalement, t'as les jokes animent un petit peu, puis la situation est quand même assez sérieuse. Je pense qu'à un moment donné, j'ai dû sauver, genre, une nonne qui était pognée en dessous d'un genre d'église qui avait pété, puis tout, puis il fallait sortir des bouts de bois de son cœur, puis c'était vraiment intense. Mais ça a l'air que cela, il est vraiment, vraiment drôle. Fait que je comprends le fun de... C'est sur 3DS, dans le fond. Non. Je pense que c'était sur GameCube. Ah ouais, ça se peut. Ouais, il y avait comme des Surgeon Simulator qui étaient comme animés. Fait que, pis celui-là, ça a l'air qu'il est vraiment drôle, ce que je trouve vraiment intéressant, parce que d'habitude, c'est quand même assez intense comme jeu. Il y a Blue Estate, que je connais pas. Ben, en fond, moi, je peux te dire c'est quoi. Blue Estate, c'est comme un light gun shooter, sauf que ça utilise la manette de PlayStation 4, c'est que ta bouge comme si c'était une manette de move, genre. Ouais. Ça se contrôle d'une manière... c'est correct, ça fait un job, là. À 2$, c'est correct. Je trouve que ça te décrit vraiment bien. Filled with dark humor and explosive action. Ouais. C'est un jeu qui est sorti, genre, quand même assez. Tu sais, quand PlayStation 4 est sorti, c'est quand même. C'est un des premiers jeux qui était pas trop cher. Il y a 7. Ça vaut 2$. Il y a 7 missions. Fait que je comprends le 7$. Ou 2$. Moi, je trouve que ça vaut 2$. Moi, je l'ai. Mais je trouve que ça vaut un petit peu plus que ça, là, parce que c'est quand même bien fait, là. C'est correct, c'est pour juste payer au moins le monde qui a fait le jeu, tu sais, pour comme qu'il y ait quelque chose à manger autre que du pain et du bas de pinot. C'est un arcade shooter dans le style de House of the Dead, sauf très générique. Il y a Blue Estate, de House of the Dead, Blue Estate, en fait, tout le nom. Guacamelee Super Turbo Championship Edition. Ça, c'est excellent comme jeu. C'est un jeu... Side-scrolling Metroidvania game, platformer. Comme Castlevania, là. Exactement. Je savais pas c'était quoi Metroidvania. Merci. Je me disais justement Metroidvania, j'étais comme, c'est-tu comme Metroid et Castlevania, mais Metroid, ensemble? Oui. Parce que Metroid, sais-tu vraiment pas c'est quoi ou tu veux une explication? J'ai déjà joué. Non, mais tu veux une explication sur Metroidvania comme... Ouais, s'il te plaît. En fond, il y a comme Metroid qui est dans ce style-là, puis Castlevania a copié avec Symphony of the Night un peu la méthode de Metroid. En fond, c'est que t'es dans un genre d'open world, deux dimensions, c'est que tu progresses, mais il y a des choses que tu peux pas faire. Quand tu vas avoir des habiletés plus tard, tu peux retourner, tu peux revenir sur tes pas, genre, puis ouvrir des nouvelles portes, puis des affaires dans la même. Ça, je trouve ça fucking chiant. Ouais, moi, j'aime ça. Mais c'est un style que tout le monde aime. Shadow Complex, des affaires dans la même. Fait que le monde appelait ça, genre, c'est un peu bizarre, justement, comme, tu sais, d'habitude, bizarre FPS, mais comme genre, là, Metroidvania, mais en même temps. C'est les deux seuls jeux qui est les pionniers de ça. À la journée où Symphony of the Night il devient genre compatible avec PS4, là, pour voir le jeton là. Ben tu peux jouer sur Xbox One à Symphony of the Night si tu veux. Sur Xbox One? Ouais, parce que tu peux avoir celui sur Xbox 360. Ouais. Puis il est backward compatible, fait que je l'ai. You son of a bitch. Puis tu peux jouer aussi sur Vita, cette affaire-là, parce que si t'achètes genre le Dracula X sur PSP, tu peux unlocker Symphony of the Night. Dedans. Puis non, traduit. Si je peux faire un petit résumé de Guacamelee, c'est qu'il y a la fille du El Presidente qui s'est fait kidnapper, puis tu dois crisser une volée à The Undead. Ouais, c'est vraiment pas, t'avais comme un style genre de Day of the Dead mexicain. Pis... Ouais, fait que si t'es avec quelqu'un, avec c'est juste plus le fun. Genre là, c'est très genre. T'as comme un magicien qui se transforme en goat, pis tu, quand tu te bats contre le monde, tu fais comme du wrestling, genre. Okay. Dites-moi pas que j'ai besoin d'expliquer cela, mais t'as, en sixième position, t'as Little Big Planet 3. Je pense pas qu'on a besoin de vraiment spécifier c'est quoi le thème ou l'histoire ou whatever. Il y en a qui connaissent pas ça, donc oui, tu dois l'expliquer. Peut-être un jeu au complet. T'es Slack Boy. Slack Boy. Sack Boy. T'es un sac qui se promène. Je pense que ça va bien prononcer. C'est Sackboy. T'es genre. C'est comme une poupée vaudou. On dirait vraiment une poupée vaudou. Sans les aiguilles dedans. Puis t'as d'autres membres qui ont certaines capacités différentes de toi. Puis qui vont t'aider dans ta journée en tant que genre sac de patates miniature. Tu peux être un oiseau. Bref, le jeu était vraiment mal coté au début parce qu'il y avait un paquet de bugs et un paquet de problématiques. Mais avec une belle grosse patch puis tout ça, ça devient un jeu quand même. Mais l'affaire, le point avec ce jeu-là, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment évolué. Ça a l'air d'un release qui ont sorti juste de même. Puis si tu joues au 1 ou 2, pas dans le 3. Tu vas triper sur le 3 parce que tu es comme habitué au 1 puis 2. Ils ont juste rajouté d'autres types de personnages qui te permettent d'avancer. Ouais, tu peux être un oiseau! Ou des skins, ou des couleurs, ou des paysages différents. Tu peux être petit oui. Numéro 5, j'ai Rizzo Gun. J'ai pas vraiment d'informations. Rizzo Gun, c'est un shmup. Un shmup? Oui. Si on parle de Rizzo Gun, on parle bien du shmup. Rizzo Gun, c'est un des meilleurs jeux sur PlayStation 4. Ouais. C'est le shmup, là, on parle? Ouais, c'est un shmup. Les couleurs ont l'air un petit peu de Final Fantasy VII, je trouve. Non, mais il n'y a pas de capoter sur le dire que c'était comme des voxels, en fait, comme des pixels en trois dimensions. Le style usuel est bon, puis c'est un jeu encore de Housemarque, justement, qui ont fait Dead Nation puis Alienation. C'est un esti de bon jeu, il est sur Vita aussi. Deux personnes qui partagent le même écran. Oui. Que je trouve ça quand même bien, parce que je trouve ça un petit peu chiant quand deux personnes ont un écran séparé, parce que l'écran devient super petit pour aucune raison. C'est un petit peu chiant. Ça dépend de ta TV. Ouais, il y a aussi ça. Sur ma 4K, ça va être écœurant. Moi, j'ai joué à côté à ce jeu-là. Ouais, c'est débile. Numéro 4, n'importe quel jeu de Lego. Parce que ça a l'air, c'est fucking drôle. C'est très bon. J'ai comme vu un petit peu de Lego game de Batman. Le meilleur, c'est celui-là. C'est Lego Batman 2. Fucking drôle. C'est comme un jeu que tu joues, c'est inoffensif. C'est comme pour jouer avec ta blonde. Mettons, c'est pas trop gamer ou whatever. Ah, même tout seul. C'est un comique. C'est pas tout seul, mais comme co-op, genre, c'est comme... Ils ont justement cité Lego Man Batman 3 jusqu'au, je sais pas combien, en tout cas, qui permet à deux joueurs d'obtenir des trophées. Le nouveau Star Wars. Lego Star Wars avec, c'est drôle. Mais comme des mécaniques qui est comme Set Games of War. Celui qui est moins bon, c'est Lego Avenger. Ouais, non, c'est... Ça a l'air que lui est vraiment... Lego Lord of the Ring sur Game Boy, pas fort. Sur Game Boy, c'est sûr qu'il est pas fort. Sur Game Boy, on parle de... Il est même pas sorti sur Game Boy. Mais Lego Lord of the Rings... Tu l'as dit sur DS? Ouais, sur DS. Ah, ok. Mais sur Game Boy DS? Non. Nintendo DS. Game Boy, ça fait longtemps. Ils ont mis ça de côté. Ils veulent plus appeler ça Game Boy parce qu'ils trouvaient que... C'est trop sexiste. Exactement. Je sais. Tu comprends quoi? Parce que c'est marqué Boy. Parce que c'était une fille sur Game Boy. Oh my god! C'était une fille sur Game Boy, ça va être trigger. Oh my god, ça devrait être genre Game Vagina and Boy. God. Numéro 3, c'est Borderlands The Handsome Collection. Yep. Excellent jeu. Ouais. Ça, ben, on peut parler, tu sais. On a Marc, notre expert de Borderlands The Handsome Collection. Yep. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? C'est bien le fun. Tu joues en coop? Non. T'es sauvage? Yep. T'es farouche? Ouais, je suis ma farouche. Ça comprend moi, je joue avec des noobs, là, je suis pas capable. Ça comprend Borderlands 2, puis Borderlands The Pre-Sequel. Une bonne session de co-op. C'est pas mal ça. J'ai pas encore joué, fait que je peux pas... Tu sais, Mac, te laisse pas jouer, il veut pas jouer avec toi. Je sais, il va pas me frapper en plus. C'est pour ça qu'elle a des gros besoins de chirurgie. Là. Ouais. Je voulais pas me taire, j'avoue. C'est un coup de poil. Ouais. Mais écoute, j'aurais dû savoir qu'il voulait la moutarde des deux bords de sa sandwich. Il me l'a dit, là, genre 6 mois de ça, là. J'aurais dû m'en rappeler. Parce que si vous pensez que Game Boy c'était offensant, ben ce commentaire-là est pas mal plus offensant. Mais c'est une fille qui le dit, c'est correct. C'est à moi de rester dans la cuisine. Mais tu sais, j'ai un vagin, fait que c'est complètement correct que je dis ça. Elle disait qu'il y avait 4 pénis tantôt. Elle a-tu un vagin ou 4 pénis? Les deux. Les deux. Oh god! Tu sais pas c'est quoi une hermaphrodite? Oui, je sais quoi, mais... ça. Voilà. Alright, continue, là. Tonton. Rayman's... Rayman's Legend. Yep. Qui est Legends, qui est en numéro 2. J'ai joué avec ma blonde à ce jeu-là. Excellent platformer. Ouais. J'ai pas essayé de nouveaux Rayman, j'ai juste essayé un très très vieux Rayman où est-ce que fallait que tu sautes sur des touches de piano. Puis j'ai trippé ma fucking vie, fait que je peux pas imaginer de nouveaux Rayman. Ben, les nouveaux comme le nouveau Rayman, c'est comment ça s'appelait Origins, puis Rayman Legends. Legend, qui est le même jeu qu'Origins, mais avec plus de maps. Mais juste que quand ça a été tellement difficile à designer pour faire les dessins et tout ça, genre j'ai pardonne. Mm-hmm. Mais Rayman, faut qu'il continue à les faire, parce qu'ils sont fucking bon. Ouais. C'est vraiment cool, même s'il n'y a pas de cou, ni de bras, ni de jambes. C'est comme, j'aime ça. Ouais. J'en avais un à l'ordi, puis Ça venait dans une boîte de céréales. Non, c'est ça, mais... Elle avait son PC PS1, ça fait longtemps. Un vieux, des vieux PC. C'est comme un peu genre la mascotte d'Ubisoft France. Youp. Exactement, pour ça qu'ils l'ont mis dans une boîte de céréales. Je pense que c'est là que je l'ai eu. Là. Fait que numéro 1, qui est l'avant-dernier que je vais nommer, c'est Diablo 3 Reaper of Souls. Qui est, de ce que je sache, un RPG troisième personne. Puis ça, ça a l'air d'être je sais pas... C'est pas c'est quoi Diablo 3? Ben oui, je sais c'est quoi Diablo 3, mais Reaper of Souls, c'est-tu une extension? C'est une extension? C'est Diablo 3 qui vient avec l'expansion. Ok. Fait que c'est comme Diablo 3 vraiment tu complet. Tu reap des souls. Yep. C'est genre un acte de plus. Ouais, t'as okay. une classe de plus. C'est écrit que le niveau de Diablo 3 va escalader selon le nombre de personnes qui y jouent. Oui. Selon ton arrêt de pareil. Ça s'ajoute. Ouais, ça fait la même. Mais tu peux mais juste être calme. J'ai jamais vraiment apprécié de Diablo 3 parce que j'ai jamais trippé sur la troisième personne. Parce que même Skyrim, j'y joue en first person parce que j'aime ça voir comment je décapite la personne dans ma face au lieu de c'est voir. C'est pas la troisième personne Diablo 3, c'est isométrique. Mais c'est en. T'sais, c'est vu de haut. Genre over de the shoulder. Over the view. Non, c'est over the view. C'est encore plus loin que over the shoulder. Mais en tout cas. Bon, tu m'as. T'sais, Diablo 3 pour avoir besoin d'explication. Tu massacres un shit ton de haut. Puis ton 11e out of nowhere, c'est quoi? Tantôt, j'ai fini mon cours au cégep du Montréal. Beau cours de littérature avec un professeur vraiment cool. Puis je me dirigeais vers le métro Berri-UQAM, puis pouf, il y avait genre le Nexus Bar qui était là. Nexus Smart Bar que je conseille à tout le monde d'aller. Oui, il est apparu dans mon chemin. Genre, il est apparu dans le métro, pas. Genre bang. C'était marqué ouvert. Fait que ben, je me suis dit, oh my god, ben, je vais rentrer là. Fait que là, j'ai rencontré encore plein de monde. Genre, deux des propriétaires, une amie que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé, puis là, on a jasé. Puis il y a comme un Français qui est arrivé puis qui nous a dit, tu sais, ah, oh, vous avez-tu essayé tel jeu pour les consoles? Est-ce que vous l'avez disponible? Puis finalement, on a découvert tous ensemble Overcooked sur PS4, qui est un jeu où est-ce que... c'est comme un Dinner Dash, mais sur PS4. Puis le premier niveau, c'est qu'il faut que tu nourrisses un gros spaghetti avec une tête de boulette géante. Fait que je trouve ça vraiment, c'était vraiment drôle. Puis je trouve qu'une bonne soirée entre amis, style couch co-op, c'est vraiment intéressant. J'espère qu'il va être disponible bientôt au Smart Bar parce que je pense que j'ai vu qu'il était à 20$. Ça va être comme genre un petit peu en bas de 20$ sur PS4. Ouais. Je me rappelle, 17, quelque chose. En tout cas, environ 20$. Ouais, puis ça a l'air vraiment intéressant pour une soirée tranquille en gang, surtout avec. Un petit peu de boisson pour se donner un petit peu plus de challenge puis dire qu'on est plus capable de ce qu'on est pour de vrai. Fait que j'encourage le Nexus à se procurer ce jeu-là puis j'encourage aussi tout le monde à se procurer ce jeu-là qui a l'air vraiment vraiment le fun. Puis les niveaux ont l'air vraiment vraiment intéressants. À un moment donné, tu viens sur c'est pas vraiment un spoiler, mais tu viens sur un bateau pirate puis finalement la plateforme pour déposer la nourriture va se déplacer selon le bateau. Fait que ça rajoute encore plus de challenge. Fait que je trouve que ça évolue bien. Je serais sans doute vraiment pas bonne à ça, surtout si jamais j'ai un verre dans le corps. Ou deux, ou trois, ou quatre. Mais comment ça pourtant tu crois fermement qu'il faut que tu restes dans la cuisine? Ce jeu-là, t'es dans la cuisine. Non, t'es sur un bateau avec la cuisine qui se promène. C'est pas pareil. C'est une cuisine de bateau? Non. Non, non. C'est pas pareil. Dans le fond, la fille reste dans la cuisine. Reste dans la cuisine pendant que vous jouez, ok? Tu restes dans la cuisine, mais il y a des cuisines... qui se promène, c'est ouais, idéal. Elle se promène. Faut que j'aille la chercher. C'est ton jeu idéal. Je sais pas. Faudrait essayer toute la guerre ensemble, ça a vraiment le fun. Mais tu peux jouer à combien? 2 ou 4? J'ai vu 4 joueurs. 4 joueurs? Ça a tombé. On est tous des copains. Mais ça a l'air vraiment, vraiment le fun, puis ça serait mon tip numéro 11. Fait que c'est ça. Ça a gagné beaucoup de prix comme un bon indie game. Là. Ça a l'air vraiment le fun. Cool! Je vais probablement jouer avec ma blonde pour en parler. Là. Overcooked. Good. C'était ça? Oui, c'est ça. C'est long. Atta girl! J'ai pas duré 45 minutes cette fois. Alright! Go for it! Moi, ça va rester à mon tour. Moi, cette semaine, comme j'ai dit, j'allais parler d'une bande dessinée. La semaine passée, je vous ai teasé un peu en disant que c'était pas une bande dessinée DC ou de Image, que là, cette fois-ci, j'allais aller avec du Marvel. J'explique pourquoi je vais parler de Marvel. Actuellement, j'ai pas beaucoup de ça dans ma collection, sauf que... j'ai trouvé c'est un magnifique comic book dans un magasin qui s'appelle Le Chevalier à Repentigny. Et il vendait ses comics 5$. Mais des trade paperback. Que habituellement, ce gars, il a une valeur de. Non, effectivement, c'est pas cher. Lui, il a une valeur de. 20$. Ben, il se débarrassait de ça. C'est des trucs qu'il vend pas, fait qu'il liquidait. Fait qu'il est sûrement qu'il vendait au cost. Fait que j'en ai profité, j'en ai acheté. Ce que j'avais pas, j'ai réussi à le pogner. Puis la fois, c'est la seule raison pourquoi t'as acheté une de Marvel, c'est que ça coûtait 5$. Exactement. Mais tout ça aussi parce que je vous explique un peu pourquoi j'ai une petite haine envers Marvel. Je suis un des bizarres, ça a l'air, selon beaucoup de fans de Marvel, qui a pas aimé Civil War. Puis tu sais, moi je lisais un peu de Spider-Man, beaucoup de Punisher, tout ça, puis du Daredevil dans ce temps-là. Puis Civil War, c'est venu clasher tout ça, puis des trucs comme ça, puis j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le film. T'as-tu vu le film? Ouais, le film. Ouais, le film, j'ai vu, mais ça n'a pas rapport avec la BD. Non, c'est ça, pas rapport. Je sais, le film, j'ai trouvé correct. Okay. Je sais pas le film de l'année, tu sais, je comprends pas pourquoi le big hype là-dessus, le combat, là, la seule chose intéressante dans le film, c'était le combat dans le parking. Ça, spoiler! On avait parlé déjà dans le podcast, donc, il y a un combat dans le parking, ça dit pas. Chris, c'est dans la norme, ça, en plus! Mais bref. Spoiler! Aujourd'hui, je parle de The Amazing! Hey! Je parle de The Amazing Spider-Man, One More Day, écrit par, attention, son nom est imprononçable, Monsieur G. Michael Straczynski. Un Polonais. Oui. Puis il a été collaboré avec Joe Quesada. Donc, dessiné aussi par Joe Quesada. Puis là, on a les ceux qui ont fait la couleur puis le inkling. Danny Mickey, avec Joe Quesada encore, Richard Lizanov et Dean White. Puis là, si vous voulez savoir le reste, c'est qui a fait les lettrages, puis tout ça, vous irez. Contactez Frank. Je vous explique quand est-ce que ça se passe. Ça se passe tout de suite après Civil War. Je vous explique un peu ce qui s'est passé. Attention, pour ceux qui n'ont pas lu Civil War, spoiler alert. Spider-Man a dévoilé son identité dans Civil War. Spoiler! Je l'ai dit déjà. Il fallait qu'il le dise. Ouais, je sais. Spoiler! Et... C'est-tu beau, là, ce que vous l'avez dit? Oui. Bref, dans cette chronique-là, il va y avoir des spoilers. Alright? On veut juste que moi, tu sois sûr. Dans le arc de Civil War, Peter Parker dévoile son identité, tout ça, dans l'équipe de Tony Stark. Puis après ça, il se rend compte, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû aller avec garder mon identité. Maintenant, ma vie est en danger, Mary Jane est en danger, Aunt May est en danger, puis blablabla, puis blablabla. Là-dedans, il s'est marié avec Mary Jane aussi. Mary Jane, là. Je l'appelle Mary Jane parce que c'est son nickname, la star là-dedans. Spoiler! Mais Mary Jane, il s'est marié avec elle. Puis il connaissait l'identité de Peter Parker avant qu'il prenne cette décision-là. Bref, c'était ça. C'est des choses que, il me semble, ça a déjà été fait. Ça a déjà été dit, oui, mais c'est ça. Mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est là que le monde, tu sais, le monde, ils ont de la misère à lire de la bande dessinée de Marvel. C'est qu'il y a tellement de. Alternate Universe, des verse, des resets, pis tout ça. Tu vas comprendre ce que je m'en viens. Et dans cette merveilleuse. Dans le fond, dans Civil War, une des scènes qui arrive, une des scènes marquantes de Civil War, c'est que Peter Parker s'apprête à se faire tuer par un sniper qui est engagé par des vilains. Parce que là, ils savent c'est qui. Et là, lui, il se cache parce que là, il a décidé de aller dans l'équipe de Captain America. Fait que là, il est poursuivi par la police et poursuivi par les méchants. Fait qu'il est encore en liste de grosses nids de marbre. Fait qu'il n'y a plus personne pour le protéger, à part lui-même qui essaie de se protéger. Puis il veut pas gêner rien. Puis il essaie de protéger sa famille parce qu'il sait qu'il va avoir de quoi. Et ça venait à se faire sniper. Fait que, boum, se sauver la vie puis sauver celle de Mary Jane. Il attend, mais c'est Aunt May qui se fait pogner. Fait qu'elle se fait tirer dessus. Et c'est comme ça qu'on n'entend plus vraiment parler de Spider-Man. Jusqu'à temps qu'on lit The Amazing Spider-Man One More Day. Et là, on rentre dans cette histoire-là, et ça commence directement avec la fameuse scène que Aunt May est à l'hôpital. Elle venait de se faire tirer. Fait que Peter Parker veut trouver une solution. Fait que Peter Parker, il est vraiment... Tu sais, les dessins sont vraiment très beaux, comme vous pouvez voir. C'est du beau dessin. Ça ressemble à la mienne. Et là, il arrive là, puis là, le médecin, il dit, comme en tout bon hôpital... aux Amériques, fait là votre mère, on sait pas votre tante May, on sait pas ce qui va arriver avec elle, elle est dans un coma. Par contre, je suis obligé de la transférer dans un centre de réhabilitation, genre, mais commun, genre, dans le fond, dans une chambre de pauvres. Bref, pour être Spider-Man, il n'y a pas de fond. C'est ça, parce que là, Spider-Man, il est rendu Renegade, là. Il est en train de s'enfuir, tout ça, fait qu'il n'y a pas d'argent. que là, il pogne les nerfs, il dit non, non, vous devez essayer de sauver ma tante. Genre, j'ai besoin, c'est la seule famille qui me reste, puis tout ça. Docteur, il fait, désolé, elle n'a pas d'assurance. Je peux pas rien faire. Obamacare. Derek, c'était pas encore là. C'est ça, on parle d'une BD qui date d'un petit bout, là, encore, là, déjà. Là, genre, exactement, j'en ai aucune idée de la date. Mais, dans le fond, il décide que, lui, il essaie de trouver des fonds, fait que il décide, fuck off. C'est un peu à cause de lui. Je vais aller. Non, il dit, je vais aller têter Iron Man. Si Spider-Man fait un GoFundMe, il a l'argent assez rapidement. Ouais, effectivement. Il est calme. Fait que ça va, têter. Oui, je suis d'accord. J'ai beaucoup de misère avec Spider-Man. Mais il s'en va chercher. Il s'en va voir Iron Man. Mais là, comme je viens de vous dire, il s'en va voir Tony Stark pour essayer de lui donner de l'argent. Il explique sa situation. Mais comme je viens de dire, il est renégé. Parce que là, il vient de trahir Tony Stark. Mais lui, il dit. Il va comprendre la situation, me convaincre, moi, de m'aider. Fait que là, il arrive là. Il check la joke, là. Tu vas voir. Tony Stark pogne les nerfs. S'en va là, blablabla, commence à se battre avec, là. C'est gros combat, pis là, Spider-Man, il est super fâché parce qu'en fin de compte, Tony Stark, il veut pas l'aider. Fait que là, genre, mais. là, c'est ça qui est très très drôle. C'est Tony Stark qui est comme frustré, tout ça, pis là, Spider-Man réussit à le. Bat en le remplissant de toile d'araignée. Right. Et il en est vraiment genre frustré. Fait qu'à la fin, il finit par s'évader. Puis là, il fait fuck, j'ai pas pu l'aider. Puis il est frustré. Fait que là, il demande à Jarvis, qui est son maître. Right. Il explique la situation. Fait que Jarvis fait comme ok, mais pourquoi vous l'aidez pas? Je peux pas l'aider. Ils viennent d'enfreindre la loi, tout ça. Mais moi, je peux pas l'aider. Fait que c'est Jarvis qui s'en va payer pour les frais dans le médical. Dude, man, c'est quoi cette affaire-là? D'après moi, ça a l'air quelque chose qui est comme un political agenda, justement, sur le système de santé. C'est ça. Au début, j'étais comme, ben voyons donc. Ça a l'air extrêmement pathétique, là. Ah non, c'est pathétique. Pour vrai, la BD est vraiment, vraiment pas très bonne. Les dessins sont super écœurants, le combat, il est cool. Mais là, arrive... C'est pas le worst. Le script, je dis, spoilers alert, là. C'est pour ceux qui l'ont pas lu, là, je m'en calais que je vais tout vous spoiler. C'est horrible. Et là, Spider-Man il dit non, je vais trouver une autre solution. Fait que là, il continue, puis là, il s'en va voir Doctor Strange. Il dit, je veux revenir dans le passé et empêcher que ça arrive. D'ailleurs. Ouais. D'ailleurs. Ça va être les changer. War, c'est sûr. C'est ça. Il s'en va là, mais là, check, en essayant de vouloir changer ça, il y a comme des monstres de l'ombre, blablabla, qui essaient de l'empêcher. Puis, il réussit pas. Parce que c'est pas, c'est inévitable, ça doit arriver, Ant-Man doit faire ça. Fait que là, il est comme ok, puis là, il est en tabarouette, puis là, le Ghost Strange vient le chercher, puis là, il a failli se blesser, puis là, il dit là, il dit, je vais t'amener ailleurs. Ailleurs, il vient me montrer une autre situation de backward que Spider-Man vient voir du Ghost Strange qui dit, j'ai pas le temps, fait que ça explique le pourquoi qu'il avait pas de temps, parce qu'il était déjà en train de l'aider, puis comme il voulait pas faire un paradoxe, mais blablabla. Mais en fait, Spider-Man, c'est comme un pauvre qui s'en va faire chier ses amis riches pour payer ses enfants. Exactement, fait que là, il arrive ça. Et là, il a décidé d'essayer de backup, puis ça a pas marché. Fait qu'à la place, en sortant de là, il dit ça, mais il y a comme. Il y a nuit quelque chose, il y a de quoi qui est arrivé. Puis là, d'un coup, il y a une petite fille qui apparaît devant lui. Petite fille. Petite fille avec les cheveux roux, petite toge rouge, tout ça. C'est bizarre, mon gars. Puis elle dit qu'elle, elle peut l'aider. Elle peut changer. Fait. Ok. Hey, fait que là, elle va l'aider, puis là, il fait voir plein de trucs. Là, il fait voir. Il fait voir avec des visions ou... Non, il fait parler, il montre là, elle a disparu à un moment donné, on sait plus il est où, lui il la cherche, là, il est comme on dirait qu'elle a disparu dans le char, il a eu peur qu'elle se fasse écraser, et là c'est pas arrivé. Puis là, il rencontre ce petit monsieur là, qui est un petit monsieur que, si je me rappelle bien, c'est un dude qui était censé d'être donné un quelqu'un, genre de super intelligent, tout ça, puis d'avoir plein de trucs, mais. Puis il pensait, genre, envoie des films, il était tout le temps trop gêné. Si ça avait donné le goût de faire ça, tout ça, un peu comme Peter Parker avant qu'il se fasse piquer. Tu sais, tu comprends? Après ça, t'as le gros riche, que lui, toute sa vie, il a tout, mais il a jamais trouvé l'amour. Parce qu'il y a personne qui l'aime, blablabla. C'est quoi? Super. Oui, je sais pas. Oui, tu lis ça, t'es comme, oh my god, what the hell is that? Et tout ça. Et là, d'un coup, t'as elle qui apparaît. En rouge, pis il cache pas ses équipes, tout ça. Genre, c'est la petite fille. C'est que, exactement, tu sais, c'est comme. Bon, man. Boom! Et là, il explique que, genre, l'araignée, c'est ce qui a fait qu'il est devenu. Tu sais, il aurait pu ne pas être piqué par l'araignée, pis rien de tout ça, il serait devenu soit le dude super awkward ou le super gars qui est devenu super riche. Tu sais, c'est dans les deux soit. Et là, d'un coup, tu te rends compte que cette fille-là, c'est Mephisto, le démon. What the fuck? Yeah! Yeah, yeah, là, t'es comme, ok, là, ça devient genre ultra super naturel. Pourquoi Mephisto? Pourquoi Mephisto, il care, là? This is why. Sûrement que dans un autre comics, ils vont l'expliquer. Mais bref, dans celui-là, ça n'a aucun sens. C'est vraiment qu'il te l'explique. Tu sais, si t'es que tu suis juste Spider-Man, Amazing Spider-Man, en ce moment, t'es fuck. Ok, ah, c'est si tu regardes le cover, genre. Si tu regardes le cover, ça a l'air cool. Là, lui, il dit que, genre, il peut aider, il peut changer de quoi, il peut changer cette situation-là que ça ne s'est jamais arrivé. Puis il dit, ok, il dit, mais en échange, j'ai besoin de quelque chose. Puis là, il dit en ce moment, il dit. Deal with the devil. Il dit, j'étais en train de faire un deal, mais avec quelqu'un d'autre. Il va falloir vous entendre. Et là, c'est Mary Jane qui est en train de faire elle aussi un deal avec Mephisto. Pourquoi ils sont en train de s'arranger. Ce qu'il lui veut, c'est leur amour. What? Le démon veut leur amour. Oui, leur amour qui est la plus grande amour pure du monde. T'sais, Mary Jane est plutôt pas mal. C'est l'amour. C'est Jesus tabarnak. What about Gwen? Il dit, ok. Là, il dit, tu sais, dis-moi l'échange. Alors, j'ai fait tout ça. Ce que je veux, c'est I want your love. I want your marriage. Mm. Et là, genre, ils sont tous décidés, tout ça, comme ça. Puis là, et même, là, c'était la décision décisive. C'est ok, on sauve Aunt May, mais il faut sacrifier notre amour. C'est le sacrifice ultime. Comprends-tu? Puis check là, après ça, t'as la page avec, genre, la vitre brisée de leur portrait, puis tout ça. Et là, c'est là qu'ils décident, genre, qu'est-ce qui se passe? Là, il se réveille, elle est plus là. Là, ils finissent par décider justement que, genre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est vrai à ça? Ah non, je serais pas capable de vivre sans toi, blablabla. Mais, il leur a dit, il dit, vous auriez aucune connaissance que ça s'est arrivé, mais allez filer qu'il vous manque quelque chose tout le long. Vous allez souffrir. Là, c'est comme, ok. Et, ils finissent par accepter. Et là, t'as genre des pages et des pages d'eux autres qui se collent. Et là, t'as Mephisto qui est comme super fier de Sacha. Et là, cette fameuse scène-là finit par avoir la petite scène ici, là, que tu vois toute leur épopée qu'ils ont eu, les petites aventures qu'ils ont eu, leur petit mariage et tout ça. Et ça finit avec la première phrase qu'elle a dit, face it, Tiger, you just hit the jackpot. La première phrase que Mary Jane lui a dit. Mais moi, qu'est-ce que je demande là-dedans, là? C'est quoi la motivation de Mephisto, là? C'est ça! Lui, dans le fond, tout ce qu'il veut, c'est scraper leur affaire. Ouais, pourquoi? Là, trouve-toi un hobby, bro! Là, il se réveille. Là, comme si de rien n'était, Mary Jane, Aunt May est super heureuse, elle est super vivante, tout ça, c'est rien passé. Ça va dans un party où il s'en va voir justement ses vieux chums de l'école, dont Mary Jane est là. C'est quoi qui est arrivé? Il a changé le time and space? Ou... Exactement. C'est ce qui a amené... Dr. Strange pouvait pas le faire, c'était inévitable. Non, c'est ça, c'est inévitable, il pouvait pas le faire, mais ça l'a amené un brand new day. Le reset de Marvel Universe. Ça, c'est un reset? C'est ce qui amène le fameux reset de Marvel. Et dans le fond, c'était pas une. Avec un brand new. Ils ont fait la même chose que DC. D'où ça rend genre Iron Man, genre qui est une fille noire de 15 ans qui s'appelle Iron Heart en chef-d'œuvre. Ouais, mais arrêtez, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre histoire qui est arrivée, c'est Secret War. Tu compares de New 52? Le New 52, c'est quand même mieux parce que ça arrive pas souvent et ça change pas tant que ça. Là, c'est rendu que justement, Mary J, elle s'intéresse pas à lui. Là, Star, c'est ce qui va amener justement que lui, en fin de compte, il va aller avec Black Cat dans cette histoire-là. Là, ça change. Moi, j'ai jamais aimé Spider-Man. Ça a l'air comme personnage extrêmement pathétique. T'as lu 45 à BD, est-ce que tu pouvais avoir suivi ça? Exactement. Tu sais, moi, j'ai juste lu quelques wikis, des trucs comme ça pour connaître un peu. Puis j'ai lu genre des Hugh Javins parce que je lisais les Marvel, tout ça. Dans le fond, là, c'est une critique que le gouvernement avait payé ton healthcare. Oui. Comme ça, toutes ces choses-là seraient pas arrivées. Tu serais pas obligé de faire un deal avec le démon. Mais. Il y a beaucoup de monde qui enjoy ce qui se passe avec Spider-Man. Tu sais, il y a des histoires de Spider-Man qui est cool, là, comme le Spider-Verse. Ça dépend par qui c'est écrit. Ça, le Spider-Verse, quand tous les univers de Spider-Man se mélangent ensemble, c'est assez débile. Tu sais, moi, c'est une des choses intéressantes que j'ai avec Spider-Man. C'est tous les autres univers qu'il y a autour de lui. Pour ceux qui sont fans d'Amazing Spider-Man, même un de mes chums, il dit non. One More Day, là, c'est un peu pathétique. C'est encore pire. Mais le personnage de Spider-Man, il est comme ça. C'est un personnage qui est toujours... Il sait pas ce qu'il veut, il sait pas ce qu'il va faire, il est toujours entre un choix de est-ce que je reste Spider-Man ou je m'en vais vivre ma vie. Ouais, il décide de crisser là Mary Jane à un moment donné parce que non, c'est trop dangereux pour elle, mais il s'en va teaser. tout le temps comme, mais je t'aime. J'ai toujours trouvé bizarre ce problème, mais j'avais compris son intérêt. Sérieusement, ben, j'avais compris. C'est il va toujours être un adolescent, en fait. Tu sais, comme pendant un bout, ça a été lui la plus grosse face de Marvel, parce que les jeunes... C'est quoi la profondeur de ce personnage-là? C'est, ça représente le jeune ado qui sait pas ce qu'il veut, qui est dans un... Personne ne me comprend. C'est ça, puis qui est dans une phase de comme, je veux quelqu'un, puis il faut que je fasse des choix difficiles. C'est ça qui représente. Tandis ah, mais les sacrifices, je sais pas quoi faire, là. Je taboute. Tandis qu'à un moment donné, ça a été Iron Man à cause des films. Là, les bandes dessinées sont redevenues populaires. Iron Man, lui, son sarcasme. Oui. Sauf que c'est le dude qui était comme pas correct avant qui est en rédemption. Non, mais justement, il y a comme un peu genre... tu sais, il y a des layers sur son histoire. Ouais. Tu sais, il y a la profondeur sur comment il est. Parce que dans le fond... C'est un génie qui a décidé d'en fond d'aider le monde, mais en même temps, il est extrêmement arrogant. Exactement. Il a même des conflits. Tout ça, mais Spider-Man, c'est quoi son conflit, genre? En réalité, lui, c'est a great power come great responsibility. C'est l'affaire la plus cliché, puis c'est dans c'est tous ça. Les toutes les super-héros, Spider-Man. C'est la même chose. Ouais, mais fond, c'est pour tiré moi, de mais ça. Mais c'est ça qu'Uncle Ben a dit. Pas, ça vient pas de Superman? Non, non, non, c'est Spider-Man. Ouais. C'est Uncle Ben qui a dit ça. C'est du rire. Ouais. Uncle Ben. Ouais, mais c'est ça. C'est lui. Fait que dans le fond, Amazing Spider-Man One More Day de Straczynski. Tu donnes combien? Là, je donne 6 sur 10 parce que les dessins sont tes cœurs. Hein. C'est vrai que c'est beau. Pour vrai, c'est vraiment. Puis sans les dessins. Sans les dessins, ces gens-là, si je lis juste ça, ben je donne un gros 3 sur 10. C'est comme dire genre un jeu vidéo sans graphique. Pour vrai, j'ai trouvé ça cheesy ouais, mais si les dessins étaient à chier. Ouais. J'ai trouvé ça très fromagé en français, on pourrait dire. Oh, donc cheesy en anglais. C'est n'importe quoi. Le démon qui arrive out of nowhere. Hein, c'est comme, ok, ça j'ai pas compris. John Cena est arrivé out of nowhere. Je pense que c'est juste quelqu'un qui a pas le rancœur système. Pour vrai, j'ai parlé à mon ami qui est genre un gros fanatique. Je dis, qu'est-ce que fait justement genre Mephisto là-dedans? Il dit, Mephisky? T'sais, lui-même il se rappelle pas qu'il était là. Ce personnage-là, genre ils ont eu besoin de quelqu'un qui serait assez puissant pour genre, on wipe tout. Non, mais quand tu fais des choses de même, tu sais, mettons, c'est assez puissant pour wiper tout, genre, pis t'es comme, check ça, là, ça va arriver la même affaire, mais là, c'est quoi, sauf que vous allez sentir un vide. Mais là, c'est quoi, ça a tous tes pouvoirs de manière plus intelligente. Ils vont introduce le fucking demon dans Marvel Universe. Ça, c'est déjà terminé. C'est fini, il n'y en a plus, là, il existe plus. Ça, c'est déjà terminé. Avec le démon, il existe plus, c'est fini. Ben, A Brand New Day, là, c'est terminé, tout ça. Ils ont fait un reset récemment encore avec le Spider-Verse, qui est le volume 3 de le dernier Spider-Man. Amazing Spider-Man, fait que là ça aussi ça a fait un autre reset. C'est vrai parce que dans le fond, genre le Cinematic Universe copie le comic book, ça reset tout le temps. Genre. C'est parfait. Ouais, un jour ça va arriver, un moment donné, ils vont refaire des remakes de remakes, puis on est rendu à ce moment-là. Ben, déjà là que les derniers Spider-Man n'étaient pas extra. Ben, ça dépend lesquels. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire comme comic. Si tu mettrais Bruce Willis comme Spider-Man. Mais. Ça serait bon. Ça serait un bon le personnage de Peter Parker, ok? Le personnage de Peter Parker, là-dedans, il joue tout le temps, genre, le dude qui rentre à l'université, qui a genre 22 ans, on pourrait dire. Il est comme dans son début adulte. Puis il agit comme un asticon des high school. Dans les nouveaux Cinematic Universe de avec Civil War et tout ça, Spider-Man, il a 13 ans. Il a l'air d'avoir 13 ans, puis il pense qu'un petit coon de 13 ans. Ça, je vais apprécier. Ça, je vais faire comme « That's right. That's the kind of... » On le voit-tu gamer puis dire « Fuck your mom! » Puis c'est même pas ça veut dire non, quoi. Non, parce que c'est Disney qui fait ça. Ah, Disney, okay. Les enfants sont parfaits. Personne joue Xbox Live dans Disney. Ouais, c'est ça. J'ai commandé de la pizza avec ta mère! Mais bref, fait que c'est ça. Un gros 6 sur 10. Les dessins sont très cool. Fait que moi, ça m'a donné le goût de les lire du Kishida... Kishidada, là, de trouver du monde... Ça a l'air qu'il l'a aidé à écrire ça, là. Il a eu besoin d'aide de Straczynski. Tabarnak, il était perdu en esti. Ah, ouais. Ça tourne en rond tout le long, cette histoire-là. Kessada. Puis, non, c'est ça. Fait que, ça ressemble à ça. Si tu veux, si t'as besoin, genre de papier pour ton foyer. Ben, en réalité, ça me coûtait 5$. Fait que ça me fait pas. Tu sais, ça me fait pas super de la peine. Puis, tu sais, ça va peut-être m'aider à comprendre beaucoup plus l'univers. Tu sais, il y a du monde peut-être qui l'ont aimé qui font mais Frank, parce que tu caches pas, le Strange, il pouvait pas parce qu'il y a une raison de ça, puis parce que c'est dans tel numéro. Ouais, c'est dans... ça. J'ai regardé, ah, ok, gars, ouais, fais-moi encore là, c'est tout à fait mon problème avec les comic books. Tu sais, pis il y a plein de ah, oh, si tu veux. Contexte, ça peut être contexte, ça peut être contexte, ça peut être contexte. Il devrait mettre ça dans les... une page, là, si tu ouais, veux. Ouais, c'est ça. Dans l'introduction, la place, c'est le même. Il met dans non, mais non, mais comme il y a une page en avant, il dit, va voler ce comic-là de là à l'autre. Il y a une introduction. Il y a Prince aussi, tu sais, t'expliques ce qui s'est passé en Civil War, mais ça, je le savais, je l'ai lu. Puis c'est en même temps, c'est là que j'ai arrêté de lire du Marvel. Enfin, je me suis dit, check, ça peut m'aider à peut-être partir dedans. Okay, ça t'a pas aidé. Il m'encourage pas mal. Mais c'est ça, il devrait mettre une chose. Ah, faudrait que tu lis le comic ça pour bien comprendre l'histoire. Mais moi, on m'a conseillé beaucoup le Spider-Verse. Là. C'est la de qu'est-ce qui s'est passé, tous les univers de Spider-Man qui s'en viennent ensemble parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de tuer tous les Spider-Man de chacun des univers. Fait que ça, j'ai fait, oh, ça peut être cool parce que ça fait un clash avec le reste. Tu peux te foutre de ce qui se passe avec Iron Man, tout ça, parce que c'est juste dans cette univers. Le meilleur reset du Marvel Universe, c'est que de Punisher, il tue tout le monde. C'est ça, juste lui. Reset. Punisher, puis il devient Batman. Arrêtez, ils sont en train de l'effacer, hein, le Punisher. Il va juste. Non, c'est pas si Batman pour le vrai. Mais ça, c'est correct, parce que dans le fond, j'ai jamais trouvé qu'il fitait vraiment. Je le préfère en standalone que dans. Exactement. Puis c'est pour ça que Netflix avec Defender, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est très très cool. Mais il n'y a plus d'X-Men, fait qu'ils peuvent bien. Tu peux pas changer de personnage. Dans les X-Men, c'est terminé. Peux-tu faire un mini comeback sur ma BD? Ça va pas être aussi long. T'es-tu en train d'essayer de me voler ma chronique de BD, toi là? Non. Mais tu l'encourages à aller des BD, puis tu chiales la BD. C'est bon, vas-y, parle-nous de ta BD. Dans l'univers de Batman, calme-toi. Ok. Fait que j'ai une merveilleuse BD de New 52 de Batgirl, ma femme. Que j'affirme de plus en plus comme étant ma femme, je l'apprécie de plus en plus. Ça a été fait par Gail Simon, mon merveilleux Ardoyan Sayaf, Vincent Cifuentes. Qui a fait les covers, ça, là? Cifuentes, il a fait l'ancrage. Okay, il a fait l'ancrage. Ardoyan Sayaf, il a fait tout le. Dans le fond, le crayon, c'est-à-dire comme la base. Cifuentes a fait, dans le fond, toutes les grosses lignes noires, dans le fond. Il a comme recopié par-dessus, puis lui a fait des belles lignes de tout ça. Dis-moi, on a stické là-dessus. Ouais. T'as Ulysse Areola qui a fait le coloriage. Puis, dans le fond, Gail Simon, ça a été l'écrivain de tout ça. C'est écrit du New York Times, « This is a must-buy series », et j'approuve totalement. Dans le fond, vous allez voir Batgirl de New 52 qui va avoir été guérie après 3 ans. Spoiler! De sa chaise roulante provenant justement de Killing Joke. Vu qu'elle s'est fait tirer, elle va avoir une phobie des fusils. Elle va faire face à un méchant qui s'appelle Mirror. Puis Mirror, dans le fond, qui est un ancien agent, qui s'est fait sauver d'une voiture, qui s'est fait exploser par rapport à une autre mission, whatever. Puis finalement, sa femme et ses filles jumelles étaient dans la voiture. Le char s'est fait exploser. Lui, il a survécu. Il y a des messieurs qui l'ont sauvé. Puis il n'accepte pas que ce miracle-là soit appliqué à d'autres personnes, puis se dit que n'importe qui devrait pas pouvoir avoir de miracle et que ça sert absolument à rien et que le monde qui devait mourir devrait mourir. Donc, à une liste, puis il essaye de tuer toutes les personnes sur sa liste de personnes qui ont subi, entre guillemets, un miracle, dont Barbara Gordon, Batgirl, qui est exposée de mourir en tombant d'un immeuble à cause d'une situation X, Y, Z qui est expliquée puis qu'on voit dans le comic. Finalement, elle arrive à l'arrêter. Ensuite, elle rencontre Gretel, qui est en fait une jeune femme qui était une journaliste, qui a fini l'école, puis qui a essayé de rentrer dans le monde de la mafia. Puis finalement, elle a essayé de s'implanter dans ce monde-là, puis elle a essayé d'enregistrer des conversations pour faire un gros article, puis monter une grosse affaire. Puis finalement, elle s'est faite trouver par... j'ai oublié le nom du mafioso boss quelque chose. Corleone? Non, c'est pas Corleone. Al Pacino. Non, je vais savoir dans... En attendant que tu cherches ça, je vais faire une petite parenthèse. Parce que là, il y a du monde peut-être qui a raison. Ils ont fait, ah, quoi, ça fait 3 ans qu'il y a trois quadriplégiques, puis que The Killing Joke date des années 80. Elle n'est pas quadriplégique, elle est juste paralysée du bas du corps. Parce que c'est arrivé dans sa colonne vertébrale. Bref, elle est en chaise roulante. Puis bref, en réalité, ce qui s'est passé dans New 52, comme je l'avais déjà expliqué un petit bout, c'est que il y a un reset qui s'est fait dans la ligne de DC. Ils ont décidé d'arrêter à certains numéros, tous les 52 numéros qui s'étaient distribués à chaque mois de DC, puis partir à un nouveau reset. Donc, ça s'est amené le retour de Barry Allen, puis tout ça, et la situation avec Batgirl. Mais bref, tout ce qu'on connaît de background, ça fait juste 5 ans que tout ça s'est passé, que Batman est apparu, que Superman est apparu, tout ça. Ça fait juste 5 ans qu'on a ça. Non, pas vrai, Batman, ça fait tout le temps longtemps. C'est le seul que ça n'a pas vraiment changé de canon. Puis Batgirl, ça fait juste 3 ans qu'elle s'est fait tirer par le Joker. Dans cette histoire-là, et non, genre, plusieurs années, comme elle était oracle pendant genre 10 ans quasiment. Là. Fait que c'est juste qu'ils ont raccourci pour pouvoir justement imposer quelques lignes grosses directrices, donc de Killing Joke qui était là-dedans, des trucs comme ça. Dans le fond, ça s'appelle, c'est de Boss Whitaker, qu'on voit qu'il a tué ses trois fils là-dedans, parce que Gretel là, s'est fait tirer par justement Boss Whitaker. Qui est le mafioso que tu parlais. Oui, elle a eu 3 balles de calibre .38 dans le corps, 2 dans l'estomac, 1 dans la tête, puis ça a fait que ça a développé des pouvoirs psychiques chez elle, qui a fait qu'elle est capable de contrôler le monde, mais qui devient obsédée avec le chiffre 338. Mais qu'elle arrive à contrôler leurs actions vers un certain, je sais pas comment dire, modus operandi, whatever. Puis ils font juste attaquer Batgirl pour essayer de l'arrêter. Puis finalement, Batgirl arrive à arrêter Gretel. Qui est en fait, il se lit quelque chose. Whatever son nom. Puis c'est juste triste parce que à chaque fois, Batgirl va se reconnaître dans, autant dans Mirror que dans Gretel. Parce que c'est des personnes qui ont vécu une grande situation qui a eu une grosse répercussion sur leur vie. Puis que finalement, eux, ils n'ont pas été capables de surmonter ça. Puis à chaque fois, Batgirl va se dire « Est-ce que je mérite vraiment d'être Batgirl? Whatever. » Puis finalement, Batman la prend dans ses bras à un moment donné. Puis lui dit « You were meant to be Batgirl. » Tu devais être Batgirl. C'était fait pour que tu sois Batgirl. Puis dans le fond, il lui dit de continuer à être qui elle est, puis de continuer en tant que Batgirl, puis qu'elle est vraiment bienvenue dans la Bat-family. Que j'ai vraiment apprécié Batgirl, la façon que c'est développé, puis elle va vraiment pas l'air d'une conne. Tu vois vraiment son intelligence, puis comment qu'elle est. Puis t'as toujours le raisonnement de Batgirl là-dedans, puis je trouve que c'est vraiment beau comment qu'elle pense. Moi, je sors You and Soul là-dedans. Qui ça? Ansel. Ouais, mais si tu parles de Gretel, tabarnak. Donc, Bad Girl, The Darkest Reflection. Ouais, The Darkest Reflection. 8.5. Vraiment, j'ai vraiment hâte de voir la suite puis de continuer la série. Ça je pensais qu'elle allait me dire un 9.5 avec la manière qu'elle parlait. J'ai pas hâte de voir ça va être quoi un 10. J'ai hâte de voir. Tu peux pas avoir un 10. C'est parce que j'ai pas trippé sur les vilains de l'histoire. C'est juste pour ça. Ah. Mais les dessins sont incroyables. Juste pour les dessins, là, je mettrais. Tu sais, pour certaines images, je mettrais 9.5. Mettons 9.25, ok? On va mettre ça moitié, là. Les dessins, l'ancrage, le coloriage, l'ombrage, whatever shit, c'est vraiment incroyable. Les dessins sont vraiment cool. Les poses que Batgirl va prendre, c'est vraiment cool aussi. Les combats, c'est vraiment cool. C'est juste que les méchants, ça m'a pas accroché. C'est juste ça. C'est pas une histoire qui m'a accroché pour les méchants. Mais j'ai aimé ça, comment Batgirl allait se retrouver dans les méchants, puis se remettre en question là-dedans. Puis comment qu'ils ont intégré Batman pour qu'il puisse lui dire que c'était bien qu'elle soit qui elle est, puis qu'elle méritait d'être Batgirl. C'est ça. Cool! Fait que tu suggères à ceux qui veulent apprendre à connaître Batgirl. Énormément. Commencez, si vous voulez, vous pouvez commencer avec Batgirl de New 52. Je vous le conseille énormément. Volume 1 de Darkest Reflection. Il n'y a pas d'Ansel. Il y en a... Il n'y a pas de fucking Ansel! Mais il y a comme. À date, j'ai vu 5 numéros à la bibliothèque. Et où la maison? Ouais, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, hein? Ouais, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais en plus, là, il va en avoir un nouveau parce qu'ils sont rendus dans le Rebirth, DC Rebirth. Ouais, je me suis calmée par contre parce que c'est 20$ du. Holla! 20$ du comic. Mm-hmm. Fait que, ben, 17,99$. Un comic, c'est pas ça. Ça, c'est un trade paperback. Vas-tu augmenter les trade paperbacks avec l'économie canadienne? Ils me donnent, en réalité, moi, l'endroit où je vais, ils font le prix US fois 20%. Okay. Fait que c'est pas le prix cover francophone en anglais. Parce que, tu sais, si tu regardes, c'est genre 21$ pour ça, canadien. Personne ne paye cher le prix canadien et arrive en général. C'est sûr. Tu vois que tu vois le prix canadien, c'est jamais ça parce que c'est tant quelque chose de mon gars. Non, c'est juste trop exagéré. Merci, Frank, m'a fait découvrir les comics. Puis surtout plaisir de m'avoir fait développer mon amour pour Batgirl. Sauf la crise de blonde dans le... Excusez, on parlera pas du film que finalement j'appréciais vraiment puis que maintenant je suis en train de me dire tabarnak est où Batgirl là-dedans. Spoiler. Quel film? Ouais. Batman et Robin. Avec genre... Batman Forever, excuse. Non, c'est Batman et Robin, non. C'est Batman et Robin, non. Celle que Batgirl apparaît? Oui, la fucking Mr. Long. Freeze. C'est avec Mr. Freeze, c'est Batman et Robin. Si, que je fais Batgirl déjà. Ah ouais, c'est Batman et Robin. Ouais, non, c'est Batman et Robin. Batman Forever, c'est avec. Merci. Avec. Je sais, j'ai pas vu Batman avec Forever. Avec le Riddler. C'est qui joue Batgirl? Ah, Alicia Silverstone. Ce genre de fille qui a une carrière, ça fait. Chou, elle a des gros tontons, ça fitait dans ça, genre. Bof. Ils sont comme mid-size. C'est-tu Alicia Silverstone? Jusqu'à je t'en prie. Ouais, je pense que ouais. Je suis en train de me mélanger avec Reese Witherspoon qui a fait Wild. Nicole Kidman était dans Batman quelque chose dans le cas. Nicole Kidman? Sans cas, ouais. Nicole Kidman était dans le celui-là, Batman Forever, avec Van Kilmer. Elle jouait Miss Vale, que je me rappelle pas. Oh shit. Non, t'avais raison, c'est Alicia Silverstone. Oui, c'est ça. Juste qu'elle Uma Thurman. J'ai rien fait. George Clooney pis Chris O'Donnell. Uma Thurman, man. Je l'aime bien, Uma Thurman. What the fuck, pour de vrai? C'est Arnold Schwarzenegger qui fait Mr. Freeze. Elle savait pas. Oh god. What the fuck? Pourquoi? Il faisait plein de jokes en plus d'Arnold. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il est cave. Il a la peau bleue. I'm going to freeze you. You're going to die! C'est parce que c'est pas The Rock, man. Where's my chopper? Get down to the chopper! Get to the chopper now! Or I will freeze you! Les pires jokes ever, les pires catchphrases ever. Moi, je me rappelle, j'ai regardé un top de ces catchphrases. Mais je comprends pas pourquoi ils ont fait genre Bad Girl ou Blonde. Ok. Elle a jamais été blonde. Est-ce qu'on. Tu l'as déjà vu blonde? Est-ce que vous voulez que je fasse une parenthèse de pourquoi Schumacher a fait ça? Non, dis-moi pourquoi Bad Girl est blonde. Ok. You need to get out. You freeze. Fais ce que tu veux après. Tu sais, Tim Burton, il a fait des excellents films. Après ça, il y a eu Batman Forever. Ok. Que Schumacher a repris pis tout ça. Puis lui, il a comme rajouté un petit côté. Justement, il y avait le petit côté dark tout ça. Mais avec le personnage un peu loufoque de Jim Carrey tout ça. Qui était relativement cool. Il y a beaucoup de monde qui ont dit. Il overacted. Tu sais, il overacted. Puis il y a beaucoup de monde qui dit qu'il essaie d'être un Joker en même temps. Tu sais, le casting, t'as un bon choix, mais. C'est ça. Il va toujours overacter. Tommy Lee Jones en Two-Face, what the fuck. Ok, non, ça, j'ai eu de la misère beaucoup. Puis surtout qu'il avait l'air de très caricatural et d'avoir le même. C'est ce qu'avait amené Schumacher. Et là, il arrive à 4e. Ça a été un fou succès au box-office, ce truc-là. Parce que là, c'était le 3e. Tout ça, tout le monde avait hâte. Puis le monde a comme apprécié tout ça. Fait que lui, il était comme nice. J'ai fait une belle job. Et arrive son 4e film. Lui, son Batman préféré, c'est celui d'Adam West. Non, non. The cheesy motherfucker. Oh non. Ouais. C'est que le Batman préféré, de manière ironique, c'est correct, là, mais... C'est ça. Si okay. C'est pour de vrai, t'es bizarre. C'est pour ça que là, c'est le cheesy, le tu sais, le commissaire qui a l'air comme... Tu sais, le côté, genre, années folles, on le retrouvait beaucoup dans celui-là. C'est comme un hommage aux années folles qu'il a faites, mais tout le monde a comme fait, ok, c'est horrible parce que c'est des catchphrases cheesy à l'Arnold Schwarzenegger. I'm going to freeze you to death! Si tu t'en vas voir ceux d'Adam West, c'est exactement les mêmes concepts de catchphrase. Le Joker faisait même faire, le pingouin faisait comme, I'm gonna fish you like a fish. Ouais, bref, il arrêtait pas de faire des jokes mauvaises de même. Fait que lui, s'est inspiré beaucoup de ça. Le côté de Mr. Freeze, parce que Mr. Freeze, c'est un personnage super cool. Tu sais, il est très. Tu peux te transposer en lui, puis comprendre pourquoi il fait ça. Puis il est très comme. C'est bien humain. Exposé dans la série Gotham, en tout cas. Ouais. Ah, oh, ça, c'est un autre sujet. Gotham, moi, c'est correct. Mais non, mais il essaie de sauver sa femme. Bon, oui, mais c'est beaucoup plus mis dans le animated series. Non, mais je veux dire, au moins, si jamais tu connais pas l'univers dans la série Gotham, au moins, tu comprends que. Pour sauver sa femme, Doctor Strange, blablabla, en tout cas, grosse soute, blablabla. C'est ma petite parenthèse. Bref, c'est un hommage aux années folles qu'il va faire. Puis en plus, une petite parenthèse, ils vont sortir un film d'animation avec Adam West et tout ça. Moi, je veux juste que dans avec Baffleck, le jeu qui ramène Arnold dans Mr. Freeze. Please don't. Ou que le prochain qui fait Mr. Freeze, là, qu'il fasse un petit clin d'œil à ça, juste que pour sa face... Get down to the chopper! Ou qu'il y en a un qui fasse une joke genre qui est comme comme t'as dit là, une des jokes que t'as dit. You're going to freeze to death! Pis il y a aucun de ses compagnons qui dit ça pis il fait comme juste le tuer. Tu sais, Mr. Freeze engage ce shut the fuck up là. Mais non, ça fait très parce qu'Arnold, c'est quoi qu'il fait tout le temps, il dit là, tu te verras Mr. Freeze, I'm back! I'm back! To freeze you to death! Pis là tu le tues. Moi aussi, je vais faire une parenthèse vu que ma chronique, genre, j'en ai pas faite. C'est... J'ai vu une vidéo sur internet qui était très intéressante. Je suis pas sûr. Attends, laisse-moi. Laisse-moi. Tu sais, surtout Disclaimer, que... ça risque d'être dark, mais c'est. Oh, God, non. Ces deux gars, ils sont sur une chaloupe. Faites pis répète sans mon bateau. Non, non. Il y en a un sans pas rapport. C'est juste une, c'est le moment random du podcast. C'est juste faut que j'en parle. Je peux pas regarder ça pour moi-même. Il y a un gars qui pêche sur une chaloupe. C'est comme un vidéo amateur. Puis un autre gars qui est dans le coin. Puis il se masturbe. Attends, quel coin? Dans quoi, regardez ça sur YouTube. Il y a pas de coin non, dans une chaloupe. Quelque part de dark. Il y a un pic, puis il y a genre l'autre bout. Puis là, non, ben c'est ça. Il y a comme, tu sais, un gars à collement à gauche de la chaloupe, il pêche. L'autre gars à droite de la chaloupe, il pêche. Okay. Il se masturbe. Okay. L'autre gars, il pogne un poisson, puis là, il le met dans la chaloupe. Le gars qui se masturbe, il pogne le poisson. Il s'en sert comme objet sexuel. Puis là, après ça, ça, c'est le meilleur bout. Après qu'il soit venu dans le poisson, il pitch le poisson, il regarde la caméra, puis il dit « That's how you fuck a fish ». Puis ça finit là. Pourquoi? C'était le moment de folie. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu sais que je peux pas faire des détails dans ce studio-là. Hein? Là, t'es comme « Ah ah ah! Fuck, t'es en marre! J'ai vu quelque chose de cœur dans le podcast! » C'est que moi, j'ai dit... T'arrêtais pas de faire des parenthèses. J'ai dit, moi, je vais faire une parenthèse. Bon! La chronique spéciale! En plus, c'est une bonne intro pour la chronique spéciale. T'as pas de poisson, s'il te plaît. Allez, regardez ça, c'est l'intérieur. Je comprends pas pourquoi t'as regardé ça, man! C'est mes amis, genre, ils ont savoir des affaires, genre, comme, pourquoi t'écoutes Bocchino Pico? C'est quoi ça, Bocchino Pico? C'est à 3 épisodes. You should watch this. Ok, vas-y dans ta chronique avant que ça déborde. Ça déborde déjà. That's how you fuck a fish. C'était pas de question, c'est un désastre. Fait que moi, c'est un top 10 des characters weird dans les jeux vidéo. Ok. On va voir si on en reconnaît. Go for it. À part Skull Kid. Il est juste cute, pis loup. En tout cas. That's how you fuck a fish. Il voulait juste dire ça sur une histoire pour pouvoir tout le temps shooter ça maintenant dans le podcast. Oh. C'est exactement pour puis ça. On va toujours avoir une image de. Continue. Mais si le podcast est déjà assez dull comme c'est là, on va continuer. Ok. Continue. Ok, numéro 10. Hungry Luma. Dans Super Mario Galaxy. Ouais, j'ai jamais joué à Mario Galaxy. J'aurais dû en estime, mais j'ai pas joué. Non plus. Non. Pourquoi qu'il est weird? Il veut tout le temps genre que tu le fêtes bien comme il faut, genre. Que tu le nourrisses? Ouais. Nice. Puis là, ben Manny, il fait juste comme burst random dessus une planète, genre. Fait que c'est comme juste weird. Mais c'est comme le genre de lutin dans The Legend of Zelda, là. Qui a juste... genre comme 40 ans, pis qui est... Ouais, il est dedans que... aussi. Il est en train de faire un top en parallèle. Skull Kid, tu sais comme lui, tu sais comme lui. Ça vient tout de la Legend of Zelda. T'as eu fuck a fish, man. Fait que y'a le numéro 9, Mr. Rizzetti, dans Animal Crossing. Lui, c'est de la best. Puis là, je veux en parler un peu, là. Mr. Rizzetti, là, c'est de shit. Il fait juste à toutes les fois que tu fermes ton affaire, genre sans avoir fermé le jeu, si tu fermes ton 3DS, c'est comme un mold qui pop avec une pécaque, genre, pis il t'envoie chier, genre. Fais plus jamais ça. Non, fucking non, je te dis, il était carré. C'est en tabarnak, genre. Animal Crossing, c'est fucking pas. Dark, là. T'as comme un dude qui a un marathon d'avoir qui s'appelle Tom Nook. Pis lui, dans le fond, il fait juste ton argent. Il te prête de l'argent. C'est comme, genre, il crosse sa vie. Il va te mettre endetté pis tu deviens son slave. T'as Monsieur Rizzetti, si tu pas, genre, les. Comment que le jeu fonctionne, il va popper out of the ground, il va t'envoyer chier, c'est dark. Tout ça parce que t'as oublié ton petit poisson dans un bocal au fond de la forêt, à l'autre bout de la crise de map, que tu dois tout refaire s'il pour aller poigner une autre poisson. Parle pas de poisson. That's how you fuck a fish. Ça va passer tout autour de la table, t'es le prochain. On attend ton corps. Continue. Numéro 8, Murray dans Harvest Moon. That's how you fuck a fish. Excusez. Tu peux pêcher, pêcher dans Harvest Moon. J'ai trop joué à Harvest Moon dans ma vie. Another Wonderful Life. C'est comme, il y a comme Le seul que t'as joué, t'en as joué. Dis qu'il comme ils ont pas, il y a pas vraiment genre de backstory, il est juste fucking creepy genre pour du cash genre. Mais moi ils l'ont fait en tabarnak. Attends, montre-moi l'image que je reconnais cette personne. Il y en a pas d'image. Sinon check sur ton cellulaire. Excuse-moi, j'ai besoin de mettre une image. Numéro 7, le shopkeeper dans Resident Evil 4. Ah, c'est oui, man, il est freaking creep. Il est pas creep, il est fucking hot, man. Il est hot, mais tu sais, partout, t'es son seul customer. C'est ça, genre, il est dans une place par rapport, il y a aucun client, il y a un shit ton de weapon. Ouais. Il est genre là, comme il n'importe où, il est comme peut être partout, genre. Dit, c'est ce qu'il dit, toutes les fois que tu le vois, il est là. What are you buying? Oh my god, Murray! What are you buying? On est excusez. What are you buying? Ça, tu vas l'entendre, merci. En parlant Resident Evil 4, ils leur sortent le 30 août. Je peux te faire une parenthèse pour Murray? C'est le 4, peut-être. Le 4, c'est ça. Please, non, je veux faire une parenthèse pour Murray. Ok. Murray dans Harvest Moon, ok. C'est genre juste, on dirait un homme de Cro-Magnon, puis il y a juste des mouches autour de lui, puis il va toujours te demander de la bouffe. Non-stop, ok? À chaque fois que tu vas passer, des fois, ça se peut qu'il se retrouve genre in your barn, puis il va juste essayer de voler du lait, ou il va voler du fromage, ou voler des fruits, ou des légumes, ou whatever. Il va essayer de te voler n'importe quoi, puis il va juste être content quand tu viens donner de la bouffe. Puis ça se peut qu'il vienne te voler même si tu lui donnes la bouffe, ou du linge, ou n'importe quoi. Puis il va juste, en tout cas, il pue tout le temps parce qu'il y a toujours des petites mouches autour de lui. Mais il est vraiment gentil. Bref, c'est on sait pas d'où est-ce qu'il vient, ni non, qu'est-ce qu'il fait. Ça a l'air qu'il y a une famille, il te raconte que c'est pour nourrir sa famille, puis il fait juste quêter tout le temps, puis il quête à toute la fucking ville, puis tu sais pas d'où est-ce qu'il vient. Bref, c'est un clodo. Il veut juste ton cash. Fait, non, mais pour de vrai, on sait pas où est-ce qu'il vient, il ramasse tout ça. Mais juste que tu sais d'où est-ce qu'il vient, l'itinéraire, centre-ville de Montréal. Non. Ben voilà. Je sais pas où est-ce qu'il va. En général, c'est le plan psychiatrique, il n'y a plus de place qu'ils ont écrit. Je donne autant de cash que je peux à chaque fois, puis il est encore là. Bref, va-t'en pas à Montréal te promener si tu es pauvre. Moi, à Montréal, je vais faire une parenthèse. Je vais faire une parenthèse. À Montréal, j'ai vu un gars qui manquait un bras, puis qui avait un chapeau de pirate, puis faisait juste marcher, puis disait qu'il était un pirate. Je vois là un gars sur Instagram qui joue à des jeux vidéo. Il devrait être dans le prochain Harvest Moon. Suivant. T'es G-Man dans Half-Life. Il dit comme, il dit n'importe quoi, puis quand il finit par dire quelque chose, ça fait juste comme poser une autre question par rapport à quelque chose d'autre, fait que ça fait juste comme un gros cercle vicieux tout le temps. Ouais, genre moi, je suis bizarre là-dedans, mais Half-Life, j'ai un truc, c'est une bonne série. Hein. T'es un bizarre, man. Ouais. L'histoire était plate à chier. Je comprends genre pourquoi dans le temps c'était cool, mais l'histoire, tu sais, Gordon... Ça, je vais peut-être scraper le nom. Tu sais, des personnages inintéressants. Je vais peut-être scraper le nom, là. Shiograt! Shiograt dans Oblivion. Pas une opinion sur Shograt. Ouais. Non, j'ai jamais passé les fucking. Shigorat. Sword dans Oblivion parce que le jeu a planté quand j'ai passé la fucking porte quand il te demande de reconfirmer tes étoiles, c'est quoi déjà? Puis la porte a fait juste fermer, puis le jeu a shut down en même temps, puis ça me tentait pas de recommencer. Ça fait qu'il comme lui, il fait juste peut-être dire des affaires weird là. Fait que c'est ça. C'est un spécial. Ouais, c'est un spécial. C'est comme si c'est Rode dans ce cas-là. Il y a comme Voldo dans Soul Calibur. Ouais, Voldo. Lui, il fait juste comme genre, il veut juste le Soul Edge pour son master, genre. Ouais, c'est pas vraiment son histoire de Voldo qui est bizarre. C'est juste son fighting style qui est weird. Il est juste Rick Duco. Ouais, il a l'air genre, tu sais, il a l'air vraiment d'un gars salon. Tu sais, il sort littéralement dans un club de bandage. Ouais, c'est ça. Il est mort là-dedans. Son move le plus bizarre, c'est quand il se met genre en pont, là. Ouais, il charge dessus, genre. Mais il charge dessus, genre avec les. Tu sais, il se met en position de pont, puis il marche, puis des fois, genre, il fait juste avancer son bedon, genre, puis il te fait comme. Rebondir comme sur une trampoline. Mais il me semble qu'il n'y a pas de colonne vertébrale. Mais en tout cas, il est flexible en tabarnak, ce gars-là, il fait du yoga. Non, il me semble qu'il n'y a pas de colonne. Casper. En tout cas, Voldo, c'est pour il ça qu'il dès que tu le regardes, il est fucking. Lui, il est pas normal. Ouais, puis il est tout le temps en train de bouger, genre, ouais, ses bras, genre, non-stop sur du. C'est comme sur, un dalle, c'est pas mal sûr genre. Que ses os sont mous. Mais pourtant, il est iconique. C'est une fucking momie, genre, il est plus d'os, il est tout en sort, ce gars-là. Je connais pas son backstory, mais il est vraiment. Visuellement, il est vraiment weird. Moi, j'aime bien Voldo. Voldo. C'est le gars préféré, genre du monde qui aime button masher parce qu'il y avait tout le temps plein de fucking shit random. Ouais, c'est comme. Tellement tu croches que tu sais pas par où ça s'en vient. Guess that's how you fuck a bitch. Oh. Il y a Agatha dans Legend of Zelda, Twilight Princess. Agatha? Ouais. Un blanc. Elle veut juste des golden bugs to feel them. Pour les sentir. Ah, oh, ça, ouais, c'est une des petites filles, je suppose. Qui est genre, tu t'en vas sauver à un moment donné. Là, que, genre, elle veut tous tes beaux petits Golden Bug. Pourquoi? Elle aime l'or, genre. To feel, to feel them. To feel them. To feel them. Quand c'est pour filer des bugs? Je sais pas. Mandy, va voir Gata, va lui demander. C'est fucking louche. Mais dans le fond, la seule manière que je peux voir que tu fais des bugs, c'est comme des affaires comme Fear Factor, c'est que tu mets quelqu'un dans un tube, puis il y a plein de bugs. Ou ben c'est peut-être. Elle va peut-être te dire après, that's how you fuck a bug. En passant vite! En passant. Non, c'est pas une. C'est genre. C'est une fille bizarre, effectivement. Elle est juste étrange, je viens de me rappeler c'est quand. Elle a un petit parapluie. Hein. Mm. Passant en vient de trouver, c'est comme. C'est quoi la description du podcast? Non. Alright, next! Next, c'est Tingle. Ah, c'est lui, fatigué. Dans Legend of Zelda, le gars de 35 ans, là, qui est fucking creep, puis qui est obsédé de ses fairies, puis il pense qu'il va avoir des fairies, puis c'est lui le héros. Genre. Moi, parenthèse, j'ai toujours. Je trouve ça toujours bizarre de voir quelqu'un qui est en cosplay de ça. Tingle, ben, je sais pas, c'est que le monde sont. Déjà là, tu sais, c'est genre Hyrule Warrior, justement, là. Tu sais, c'est le moins HD, là. Ils ont fait Tingle, il est like fucking creepy. Il est louche, là. Mais il y a bien du monde qui le cosplay, genre, je sais pas, c'est quoi une ironie. C'est un personnage qui est vraiment intéressant. Fucking weird, là. C'est juste un lutin qui a l'air cave. Ouais, mais il est gros, il est comme il est sur Own Magic World, puis il fait rien. Mais Zelda, il y a plein de personnages bizarres. Mais si, il y a des ancêtres, puis qui en fait. Oh, t'as l'air vraiment weird quand tu cosplays ça, genre. J'ai pas. Imagine-moi cosplay ça, oublie ça. Sérieusement, mais tu fais ton cosplay, bro. Je fais des cauchemars. Tu fais des cauchemars? C'est sûr. Ok, mais prochaine attaque, tu te mets là ça, puis tu y vas. J'ai toujours trouvé que les bodysuits sur des hommes, c'est un petit peu bizarre parce que ça moule toujours super bien le paquet. Fait comme, je sais pas. C'est un petit peu même à ça. C'est ça, c'est quand même creep quand c'est des filles qui portent ça. Hein? Parce qu'il y a des gros tâtons. C'est quand même creep. Bon, suivant! Suivant. Bon, juste art style, son art style, il est lettre. Le numéro 1. The King of Cosmos dans Katamari Damacy. King of Cosmos comme un fucking. Il est doux, c'est quoi c'est qui? Il est fucking. Katamari Damacy. Ouais, c'est comme la roi de l'univers. Non, on sait, c'est quoi. Il veut que tu roules des affaires. Ouais, il est vraiment creepy. Genre, il va tout péter les stars de la galaxie. Il est comme genre 50 fois plus gros que toi, genre, pis il wear des tight pants. Oui, mais pourquoi il. J'aimerais vivre dans cet univers-là, c'est que ça, c'est Dieu de l'univers, là. Le roi de l'univers, parce qu'il était carré. Pourquoi faut rouler des trucs pour lui? Il est pas capable de dérouler tout seul. Ben, je sais pas, il s'est dit ça. Prends un bic, pis là, ben, tu le mets autour, pis après, tu l'enfonces dedans. Mais Katamari, t'as déjà vu ça? Non. C'est que c'est drôle. Tu fais juste rouler des affaires. Tu boules, pis tu ramasses du monde, tu ramasses des arbres. Pis plus c'est gros, plus tu fais de points, pis tu ramasses des trucs, pis tu fais de points. C'est ça qu'il y en a un sur du sel, genre. Ah ouais? Ouais. Va checker. Ensuite? C'était le dernier. Pour vrai? Je m'écoute pas quand je dis le dernier et le moindre numéro 1. Vous avez dit. Alright. Hey, en 10 minutes, on fait le petit sujet du jour. Hein, nos tours de table étaient longs aujourd'hui, hein? Non, sujet du jour, on va regarder la prochaine fois. Ouais? Ouais. Ouais, ouais. Parce que tu veux qu'on dise, on en parle un petit peu plus? Non, parce que c'est ça, you fuck a fish. Vous avez-tu non, des on va personnages... regarder pour la prochaine fois. Vous avez-tu des personnages que vous trouvez fuckés pis qui étaient pas dans la liste ou. Vite de même. Je pourrais pas te dire, là. Il y en a un qui a ta mec démenti sur cellulaire en passant. C'est le king de l'univers. Ouais, il est bizarre, lui. Fait que si tu veux jouer gratuitement, tu peux l'essayer. Il est vraiment bizarre. Des personnages bizarres. Mettons le jeu le plus bizarre que j'ai joué, là. Le plus bizarre que j'ai joué. J'en ai pas vraiment. Pas vraiment. Parce que moi, des jeux que je joue, j'essaie de jouer à des jeux que j'aime, là. Non, mais des fois, c'est peut-être bizarre aussi, pis t'aimes ça. Mais c'est comme il y a plein de jeux japonais. C'est comme si on dirait qu'il y en a pas qui sort dans ma tête, mais il y a plein de jeux japonais. Si tu as remarqué, la plupart des jeux c'était comme pas mal tout Nintendo aussi. Mm. Ouais, c'est bizarre. Bon, je vais ouvrir un livre, moi je vais en dire un. Un hip-hop. Ça c'est un jeu bizarre. C'est un jeu bizarre. C'est comme un Candy Crush d'émotion qui se finit par fuck des filles. T'en as parlé, ça fait même pas 10 minutes. C'est ça. J'en ai un autre d'abord. Moi, c'est bizarre. Des personnages bizarres ou des jeux bizarres. Moi, hein, c'est. Un des jeux les plus bizarres que j'ai joué, c'est Catherine. Ah ouais. Mais le jeu, il est le fun. Quel personnage était bizarre là-dedans? L'anus qui te court après. Oui, une paire de fesses qui court après, un genre de monstre, là, pis y a une langue qui sort des fesses, là, pis ouais, ben, c'est sa face. Ouais. Tu sais, ou sinon le fœtus mort aussi, genre. Le jeu en tant que tel, il est bizarre. Ouais, mais il est pas. Tu sais, parce que dans le fond, l'affaire qui est hot, c'est que c'est comme des métaphores, justement, qu'est-ce qu'il vit, genre. Ouais. Mais c'est très cool, sauf que c'est très... Catherine, en passant, est en spécial en ce moment sur PlayStation 3. Ouais. Sur PlayStation 3. Ouais. C'est de shit, ce jeu. Ah, oh, il est vraiment bon. Vraiment bon. À part ça, un personnage étrange... Toi, Sylvain, t'en as-tu qui t'en vient, des personnages étranges? Qui t'en vient? Je me rappelle plus du nom dans Final Fantasy 17, le genre de chat sur la grosse bobotte blanche. Lui, il est un peu étrange. J'ai un blanc. C'est un jeu que j'ai joué souvent beaucoup. Le chat. Le chat, ouais, c'est beaucoup blanche. Il est-tu noir, le chat? Oui, le chat, il est noir. Le chat, il est noir, il a une petite couronne? Oui. Ok. Ouais, j'ai comme une image dans la tête, mais. Ouais, moi aussi, je l'ai, mais je me rappelle plus de son nom. Ouais, c'est son nom. C'est comme si ma limite d'information, il est blanc et noir, puis ouais, une petite couronne. Ouais. Je vous cherche ça dans 30 secondes. On est préparé chez Dieu Geek. Ouais. Un personnage étrange, moi, que je trouve, c'est dans Final Fantasy VI, c'est Kafka. Kafka, il est vraiment étrange, mais il est cool. Non, mais il est iconique, et je suis en cause de son nom. Genre. C'est ça, mais il est cool. C'est. Chris, il ne montre même pas dans les personnages principaux. C'est son. La merde. Ouais, je vais parler d'un personnage bizarre. Ça va me flasher. Il s'appelle Kirby. Ouais. Effectivement. C'est Kirby, dans le fond, il est super cute, comme une petite boule rose, mais si tu penses trop. C'est que c'est cruel parce qu'il ment, il bouffe du monde, puis il digère, puis ils prennent leur power. Fait que dans le fond, tu passes tout ton temps à manger du monde vivant. Fait que si tu penses un peu trop à Kirby, c'est dark. Ben Mario aussi, parce qu'il arrête pas d'abandonner Yoshi puis de le crisser partout. Ouais, mais Kirby, c'est que c'est dans son personnage, il est comme dans un monde bizarre. Parce que Yoshi, t'es pas techniquement obligé de le crisser dans le trou. Mais dans Kirby, t'as comme pas le choix de manger tout le monde. T'es dans un monde super cute. Il faudrait qu'il fasse un coup d'hammer. Dans le fond, il faudrait qu'il fasse vraiment un Kirby, c'est que ça twist, pis ça se rend compte que c'est toi le méchant. Ultra noir. Mais en venir au personnage que j'avais oublié le nom, je m'excuse aux fans de Final Fantasy VII, quand j'ai lu le nom, je me suis fait un facepalm moi-même. Kate Sith. Ah, ben oui. Mais Kate Sith était weird, mais t'es pas offensant. Non, mais t'es weird. T'es ouais, juste weird. Ouais. On parle de personnage ouais, c'est weird. C'est vrai. Tu sais, c'est le personnage genre que. J'ai un de mes chums seulement que je sais. Moi, je l'ai fait aussi, mais c'est le dernier personnage que je me suis occupé. Mais c'était le personnage qui a monté le plus vite. Ouais. Parce qu'il le trouvait cool. C'est comme un agent, c'est comme un trade, genre. Ah, oh, c'est ridicule. Il est bizarre. Ouais, il est bizarre. C'était vraiment pas nécessaire. J'ai trouvé que. J'ai surtout joué. Je suis en train de jouer à Crisis Core. Final Fantasy VII. Puis je trouve déjà que Zack est quand même étrange comme personnage. Parce que. Déjà, de la ville où est-ce qu'il vient, c'est comme Gugun Gaga, là. C'est juste le village est bizarre. Puis aussi qu'il passe à travers des événements vraiment traumatisants de sa vie, puis qu'il fait juste party à la plage, puis tout va bien dans sa vie. Puis ça fait comme un an que tout va à chier, puis que le monde meurt autour de lui, puis il est comme juste comme « Ok, on va jouer à la plage, mais tout va bien. » Ça m'a... que je l'aime beaucoup, mais des fois c'est bizarre comment ils ont implanté le personnage avec l'histoire. Ouais, mais tout court, ce jeu-là est bizarre, parce que t'as deux personnages secrets que, genre, sont affichés partout, des autres, comme ça, mais tu peux finir le jeu sans les avoir. Puis on appelle ça avec des squats. C'est ça, 22 ans. Des squats tout le temps. Des fucking squats! Mais il doit avoir des fucking jambes d'acier. Ah, c'est ça. Mais tu sais, Vincent Valentine puis Yuffie, qui Zagaragi, c'est des personnages que t'es pas obligé d'avoir. Ouais, mais, que... ouais, mais ils sont dans Dirge of Cerberus. C'est ouais, pas grave, c'est ça. Oui, je sais ça. Tu découvres après. Ouais, après, quand ils sont dans le Final 7. En tout cas, c'est une parenthèse que j'avais là-dessus. Mais il était cool, pareil, le Dirge of Cerberus. Ouais, il est cool. C'est un hack and slash. Ouais. I mean, le fun, là. C'est justement. C'est pour ça, c'est. J'ai cool. bien aimé le story de Vincent Valentine. Ouais, c'est un genre de. C'est une créature, c'est justement... Ouais, c'est un démon. Comment tu fais sur lui parce que c'est comme un genre de vampire? Non, mais c'est un démon. Ouais. C'est carrément un démon. Là. My love, c'est Zach. C'est une expérience qui a été faite sur Zach, justement, qui a mal tourné sur lui. Puis là, c'est ça, mais là, il se fait enlever son pouvoir de se contrôler et de pas être le démon, puis il court après ça tout le long. Genre. Ouais. C'est moi, le joueur Persona 4, il y a Teddy, qui est fucking cool. Ouais. Effectivement, tous les personnages... Il est tellement fun, ce personnage-là. Il est comme un... Tu sais, Teddy, c'est comme une mascotte, genre, qui vit dans un monde de télévision. Puis en plus, genre, quand il sort sa mascotte, c'est comme un beau, beautiful boy, genre, avec les cheveux blonds. T'as joué à Persona 4? Non, mais moi, tu sais, jeux vidéo, je joue pas tant que ça. Tu sais, des personnages bizarres, je peux en nommer plein dans les bandes dessinées, des trucs comme ça. Dans Danganronpa aussi, il y a plein de personnages bizarres. Mm-hmm. Genre, la fille qui est, on dirait, plus un gars. Puis finalement, en tout cas, gros personnage bizarre. Vous, cher public... Trouvez-vous des personnages weird? Commentez-les! Commentez! Participez un peu avec nous autres! Commentez! Message! On vous aime! speak. Speak. Non, elle a plus pathétique que d'autres choses. Please. Please, fuck the fish. Bref, sur ces belles paroles, on va arrêter le show là-dessus. Que ce podcast-là, c'est un désastre. Est-ce que bref, si c'est le premier épisode que vous avez écouté, il y en a d'autres. Meilleurs. Qui sont meilleurs. Qui sont pas un désastre. Non, ou ce que Missa rate moins. L'épisode 4 me semble qu'il était bon. Ah, juste fait un vlog. L'épisode où t'étais pas là aussi, c'était très bon. Ouais, le VR. Shut the fuck up, man. Le VR, t'as manqué de quoi, là? T'as manqué de quoi en crise, le VR? On va revenir sur le VR, puis aussi, on va revenir sur un élément que je me suis un peu trompé quand on a parlé de Suicide Squad. Faut vraiment que t'en parles. Ben oui, c'est une erreur. Ben c'est une erreur que j'ai faite, puis je suis pas fier. Puis moi, en plus, je suis chanceux de connaître super beaucoup DC. Slipknot, là, j'ai dit que c'est un personnage qui existait pas dans l'univers de DC. Et un mec chum qui m'a dit, Frank, il existe les Slipknot. Quoi? Il dit, oui, il était dans l'original Suicide Squad. Et là, il montre l'image. Puis là, effectivement, tu vois le personnage qui a l'air vraiment d'une grosse merde avec des cotes de pendu, des trucs comme ça. C'est Slipknot, c'est ça. Quand c'est ça! Il est calme. Il est genre, là, il est comme de même, pis effectivement, il a l'air d'un gros sadomaso. Là, j'ai fait comme, ah ben, et là, je me rappelle de l'avoir vu dans un épisode de Batman. Là, je suis comme, oh non, voyons donc, je suis calme de même. Là, je me sens mal. C'est un personnage que, dans le fond, j'ai essayé d'oublier qu'il existait dans le DC Universe. Mais bref, tu vois qu'est-ce qu'ils ont fait dans le film? Ils l'ont tué. Il n'en reviendra pas. Il sert à rien. C'est ça. Mais je t'avais dit, pour moi, c'était une métaphore pour le Ghost Slipknot. Ah, t'es inutile, con. Tu sers à rien, t'es pas bon. Con. Tu devrais mourir. Puis en revenant aussi sur VR, tout ça pour dire qu'il y a du monde qui m'ont parlé de ça aussi. Ils ont dit, quoi, vous avez essayé de la porn? C'était seulement un point de vue scientifique qu'on essayait ça. Y'a du monde qui t'a quoi? Ah, y'a du monde qui nous a pas jugé, là, mais ils nous ont trouvé un peu câble. Mais essayez-les, vous allez voir qu'on c'est est pas si câble. Parce que j'étais pas là. Moi, si j'avais regardé ça, il y aurait fait un, c'était correct. Non, mais ben du monde. Non, non, c'était non. Juste une game de pervers. Non, y a une fille avec nous aussi qui l'a essayé, la blonde à Sylvain, elle l'a essayé. Puis ils ont jugé. Non, mais en réalité, non, c'est... Non, c'est pour qui c'est en privé. C'est ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, je suis pas trop pudique, ça me dérange pas. Vous étiez pas en train de vous crosser, vous étiez en train de regarder. Ouais, mais imagine, il y a même... Non, mais il y a du monde qui sont comme ça. Il y a Sylvain qui s'est mis dans la peau d'une fille. Ouais. Puis se faire juste d'en face, puis le faire regarder avec un regard méchant, puis tout. Puis... Il a dit, je veux voir cette perspective-là de vue, genre... Est-ce qu'on a la cave, des fois? Oui, en tout cas, si on a la cave de même... C'est pas le fun, hein? Il va dire that's how you fuck the rock. Mais on avait parlé de ça. How you get fucked. Non, mais on avait parlé de ça, mais je veux dire, c'est quand tu regardes un gars qui te regarde langoureusement, genre c'était bizarre. Hein? Ouais. C'est pas le fun d'avoir la juice en face. Hein? Non, ben moi j'aimais ça. Oh. Mais c'est que c'était pas en train de ramasser après. Ouais, mais c'est virtuel. Toi, tu pouvais respirer. Ok, là, sérieusement, là, il va y avoir du monde qui va avoir des images. Puis l'histoire de chaloupe que blagues, j'ai parlé, c'est des on va faire ça c'est... dans le VR un moment donné, donc le futur est bright. Histoire de chaloupe que j'ai compris. Ah non, please don't. Quelle chaloupe? Please don't. Tu vas voir le gars en VR, that's how you fuck a fish. Donc, sur ces belles paroles, des à belles la paroles. Prochaine. Ouais, c'est des belles paroles pour l'instant. Fuck a fish, c'est une belle parole. J'ai juste hâte de finir ça là. La vidéo que j'ai parlé, c'est une référence à notre podcast justement, qui est aussi intéressant que fourrer un fish. Tu penses? Voilà. Non. Bref, n'oubliez pas d'aller voir notre page Facebook, Les Dieux Geeks. On a un YouTube channel. Je travaille fort pour avoir un hébergeur. On cherche. Si vous savez comment, puis tout. C'est que je sais comment, c'est juste pour prendre le temps. Puis pas le temps. Share, like, comment. Oui. Fuck oui. A fish. Suggestions, si vous avez des suggestions de thèmes qu'on voudrait parler, à part de fuck the fish, parce que je vais vous tuer. Ben, c'est ça. Ben justement, nous tuer. Comment nous tuer? Non! T'es fucking content que j'ai raconté cette histoire-là, tu vois? Non. Non. Non. Parce que maintenant, on a un insight de plus pour faire qu'il est en tabarnak. Bon! Fait que, sur ces belles paroles, ben Missa. Bye bye! Bye Sylvain. Ciao man. Ciao le spécial. Le spécial! Dis le marque. Astaire, t'es plus marque, dis le spécial. Le t'es spécial, marquis. Dis le marque. Le marquis. Le marquis de Sade? Non, hey, calme-toi là, fucking coupe des anus là. Fuck the fish. Hey, pour mieux des coupes. Excusez, je viens de spoil le livre. Tu l'as lu? Le début. C'est déviant, hein? C'est ça. Il coûte des anus! On fera un podcast sur le Marquis de Sade, voir. Je vais finir de le lire. C'est pas quelqu'un d'intéressant. C'est quelqu'un de bizarre. Ça, c'est un personnage bizarre qui existe. Ça, non, c'est vraiment bizarre. Ouais. Tu sais, le terme d'être sadique, ça vient de lui, tu sais. Elisabeth Batelier. C'est anormal, le roi Louis. Unconventional, mais genre. Beaucoup de personnages spéciaux. Ouais, le roi Louis, lequel, Louis. Lequel Louis? Il y a comme fucking 14 Louis. Louis 14. Le roi Soleil. Pas le roi Soleil. Le roi Soleil, c'est Louis XVI, me semble. Non, je sais plus. Tu te parles quand t'es juste un chiffre, là. Ouais, là, en ce moment, je suis perdu. Mon histoire est loin, ça. Comme toi, est-ce que c'est pas de la politique. Fait que sur ces belles paroles, bye bye! Encore des paroles. Bye bye, les paroles!